Micro ouvert. Lors du 5e congrès du Parti communiste, lorsque le cas Renault fut évoqué devant les dirigeants, Léonid Brejnev déclara « Je ne dirai qu'un mot, ta gueule ». Renault lui répliqua aussitôt très finement « La tienne avant la mienne ». Dès lors, la détente était compromise. En mai 1980, Renault répondit dans la Pravda par un article laconique, je cite, « C'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule. » Je veux que mes chansons soient des caresses ou bien des poings dans la gueule à qui que ce soit que je m'agresse. Je veux vous remuer dans vos fauteuils, alors écoutez-moi un peu les pouces, mes gaules et les neveux. Les ringards, les folques, les journaleux. Cliquez à mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où je vends ma soupe empoisonnée. Vous m'avez un peu trop gonflé. Je suis pas chanteur pour mes copains et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons et l'homme est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sur le zinc d'un bistrot des plus cradingues. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos, tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau. Ceux qui me traitent de démagos dans leur torchon, je n'irai jamais. Renaud c'est mort, il est récupéré. Ces petits bourgeois incurables qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent, qui vivront vieux leur vie minable, ont tous dans la bouche un cadavre. De toute façon, je sens pas pour ces blaireaux et j'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûrement pas un disque d'or, un Olympia pour moi tout seul, qui me feront virer le bord, qui me feront fermer ma gueule. Tant qu'il y aura de la haine dans mes seringues, je ne chanterai que pour les dingues. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Y'a pas que des mômes dans la rue qui me collent au cul pour une photo. Y'a même des flics qui me saluent, qui veulent que je signe dans leur cadeau. Moi je crache dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber. Que j'aime pas le travail, la justice et l'armée. C'est pas demain qu'on verra marcher avec les connards qui vont aux urnes choisir celui qui les fera crever. Moi ces jours-là je reste dans ma turne, rien à foutre de la lutte de crasse. Tous les systèmes sont dégueulasses. Je peux pas encaisser les drapeaux, quoi que le noir soit le plus beau. La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça me déglingue, et votre république, moi je la tringle. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Puis qu'on m'a tiré mon canif, un soir au métro Saint-Michel. Je me fous les pieds dans une manif, sans un outchak ou un cocktail. Allons-y comme à Saint-Lazare. Plus de slogans face aux flicards, mais des fusils, des pavés, des grenades. Je les contre la répression en défilant bastination. Quand mes frangins crèvent en prison, ça donne une bonne conscience aux cons, aux népeux et aux pousse-mégots qui foutent ma révolte au tombeau. Si un jour je m'en trouve la gueule par terre, sur ça sera de la faute à Valère. Si je crève le nez dans le ruisseau, sur ça sera de la faute à Bono. Pour l'instant ma gueule est sur le zinc, un bistrot des plus cradingues, mais faites gaffe. J'ai mis la main sur mon flingue. Le capital, est taxé d'une façon très, très variée. Non mais il y a c'est plutôt avarié que varié. Oui, avarié. On peut dire avarié. Ce qu'on vient d'entendre, c'est l'économiste Eric de Keulenard qui répond aux témoins du vécu militant du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Rappelez-vous, c'est cette idée que le réseau pose directement des questions à plusieurs économistes et ils répondent. Il n'y a pas de débat, même si on n'est pas forcément d'accord, même s'il existe une autre vision. On écoute. Quand quand je dis « on », ben, c'est vous, auditeurs. C'est ça aussi l'idée, hein. C'est, y a un public qui est là, c'est nous tous qui sommes là, on écoute, on commence pas à rentrer dans un duel pour savoir si sa manière de penser est la meilleure que l'autre. Enfin voilà, donc c'est comme si on était un peu en apprentissage, on écoute la manière de penser de ces différents économistes. Et ici, ben, je le répète, il s'agit de Éric de Queulenard. Et bon, au début, ce monsieur, c'est très lent, ça démarre doucement, mais après ça va mieux, voilà. C'est aussi, moi je pense, une autre manière de causer, hein. C'est moins, il faut prendre le temps. Ce monsieur Éric de Queulenard cherche ses mots, ça répond pas comme ça d'office du tac au tac, mais ça reste tout aussi intéressant, hein, voilà. Donc c'est ici un peu l'idée de... Comme le dira Christine Mailly, je le répète, c'est un peu de l'éducation, c'est vrai, permanente. On est en apprentissage. Je présente le bazar. Voilà. Bonjour. Donc on est au réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Pour la troisième fois, en fait, des témoins du vécu militant vont pouvoir poser des questions à un économiste, aujourd'hui à Éric de Queulenard. Et donc, on a reçu auparavant Étienne de Calataille et Roland Gillet. Alors, c'est un exercice nouveau au réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, hein, que d'interroger des économistes. On a plus l'habitude de rencontrer le monde politique, hein, en général. Et donc, c'est un échange de questions-réponses qui est porteur de ce que les gens ont envie de défendre, mais c'est aussi pour s'informer, se nourrir. Et puis, au bout d'un temps, on croisera un peu les différentes réponses qu'on a et on verra si on fait évoluer le modèle pour la suite des rencontres. C'est une manière de faire de l'éducation permanente. L'éducation permanente, c'est de prendre la parole, mais une des manières aussi, un des outils, c'est aussi de s'informer, de récolter de la matière, et on est dans cette étape-là. Voilà, on est en route. Présentation autour de la table, vous donnez vos prénoms, ou comme on avait dit, c'est toi ? En fait, voilà, nous sommes les témoins du vécu militant. Les témoins du vécu militant, c'est un peu nous qui venons ici exprimer toutes les difficultés qu'on a dans le système actuel par rapport à tout ce qui y revient et qui faisons remonter ça auprès de Christine et qui, Christine, monte plus haut. Et surtout le réseau Allons de lutte contre la pauvreté. Voilà. Julie, tu veux dire quelque chose, toi ? Donc moi je vais vous expliquer ce qu'est le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. C'est donc un groupe d'une plus que 35 associations qui sont réparties sur toute la Wallonie. On fait partie, ces associations-là sont des associations de terrain qui donc travaillent directement avec les gens sur des causes d'appauvrissement, donc le logement, la santé, etc. Le réseau Wallon fait partie d'un réseau belge qui lui-même fait partie d'un réseau européen. Qui luttent tous de manière structurelle contre la pauvreté. Et alors, on vous donnait un peu vos prénoms, et puis après, présentation de vous, monsieur, d'accord ? Audrey. Ludwig. Henri. Yvette. Damien. Eddy. Ça, c'est les témoins du vécu militant. Je fais un peu les trucs à l'envers. Hein. Oui, il y a le public, il y a le public aussi qui est là. Merci d'être là. Hein. Bonjour. Voilà. Présentation alors de vous, monsieur. Alors, Éric de Queulenard, récemment retraité. Sinon, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans des banques privées, à la Credit Bank d'abord, à Bruxelles, puis à Luxembourg. Et ensuite, j'ai été 12 ans à la Générale de Banque, comme elle s'appelait avant d'être rachetée par Fortis en 1998. Mais je l'avais déjà quitté à ce moment-là, ça lui a été fatal. Donc en 95, j'ai pris la direction de l'Office central de crédit hypothécaire, qui était la dernière banque publique pratiquait le crédit hypothécaire, le crédit logement, on appelle comme on veut, avec vocation d'occuper un segment du marché général, mais évidemment plus particulièrement ce qui n'était pas couvert par les banques privées. Et donc ça a été une caractéristique importante de l'OCCH pendant longtemps. À partir de 98-99, le gouvernement belge a voulu privatiser l'OCCH, ce qu'on a fait alors en 4-5 ans, en séparant d'une part les activités commerciales, le portefeuille et les activités de gestion qui existent toujours et qui sont qui font partie maintenant d'un groupe hollandais qui en détient 72%, mais l'État belge, à travers la Société fédérale de participation, en a encore 28% et est toujours administrateur de cette société qui s'appelle Stater Belgium et dont j'étais administrateur jusqu'en mars de cette année. Et donc, depuis une quinzaine d'années, et la privatisation effective de l'OCCH assez importante, je suis encore resté à l'OCCH un certain temps dans ce qu'était la structure, la coquille, et j'ai de plus en plus développé une activité universitaire, académique, donc en donnant un certain nombre de cours de finance, sur gestion des banques, sur la régulation de la concurrence, régulation des réseaux, régulation financière évidemment aussi, et ça depuis 2002 à l'ULB. Je me suis un peu occupé aussi de la gestion de l'ULB, et donc je me suis également occupé de la gestion de l'ULB de différentes façons, en étant administrateur, en étant adjoint du président, et ensuite en redevenant administrateur et finalement en devenant président du conseil d'administration pendant un an et demi. Et puis maintenant, je n'y suis plus tellement. Je suis retiré. Je suis encore administrateur d'un certain nombre de fondations qui tournent autour de l'ULB. J'étais administrateur pendant 12 ans, je crois, ou 15 ans de Crédal, qui... donc un organisme de crédit alternatif qui a été un des premiers à développer le microcrédit en Belgique. J'ai aussi enseigné dans les programmes de microcrédit à l'ULB. C'est un programme que l'ULB a en commun avec l'Université de Mons et l'Université de Wageningen, enfin une université hollandaise et une université française. Voilà. Et puis, effectivement, en 2000, déjà un peu avant, mais particulièrement en 2008, j'ai souvent été amené à donner mon avis sur la crise financière, l'avenir des banques, essentiellement à partir de, entre 2007-2008 et 2011-2012. Ça m'occupait assez bien et... c'était pas toujours facile d'ailleurs. Quand on vous demande en direct, oui, mais est-ce que je peux encore déposer de la banque, mon argent dans la banque XY ? Et si vous dites oui, ça veut dire quelque chose. Si vous dites non, ça veut aussi dire quelque chose. Et on peut pas toujours dire, bon, écoutez, ça dépend. Donc voilà, ça m'a permis aussi de beaucoup fréquenter le monde politique. Vous posez la question pour les banques, est-ce que c'est pour le problème de risque ou bien du taux qui est trop bas? Pourquoi vous demandez s'ils pouvaient encore faire confiance aux banques? On démarre du but en blanc là. Ce qu'on me demandait parfois, je ne sais pas si vous vous rappelez, septembre 2008, il était sérieusement question que Fortis, pour ne pas la nommer, tombe en faillite, elle n'avait plus de liquidité. Alors, quand on vous demande, j'ai mon argent déposé chez Fortis, est-ce que je dois laisser mon argent là? Alors, si on dit non, on risque de créer une panique. Si on dit oui et qu'on ne le croit pas, c'est un peu embêtant. Et donc, moi, je m'en sortais en disant, écoutez, l'État belge a dit qu'il ne laisserait pas tomber Fortis, donc vous pouvez faire confiance en l'État belge. Mais enfin, c'était pas toujours facile. Et ça a duré comme ça jusque 2011-2012, avec les problèmes de Dexia aussi, et ça a été un problème qui a occupé l'opinion publique. En général, les médias, évidemment, et le gouvernement pendant de nombreuses années. Et donc, demander mon avis, à certains moments, quand c'était la quatrième fois sur la journée, je disais, mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre. Ah oui, mais vous savez, on aime avoir plutôt quelqu'un d'université, et vos collègues, ils ne veulent pas se prononcer sur les questions d'actualité. Alors, bon, j'avais un peu la double caractéristique d'être académique et d'être aussi... j'avais travaillé, et je travaillais toujours, je suis encore administrateur d'une banque maintenant. Et donc, je connaissais un peu les banques de l'intérieur. Donc, voilà, on me demandait un peu mon avis. Et alors, quand on vous demande votre avis dans les médias, on a parfois tendance à vous demander votre avis sur tout et n'importe quoi. À certains moments, j'ai proposé de présenter la météo aussi, puisque on me demandait comment la bourse allait évoluer, comment les taux d'intérêt allaient évoluer, mettons encore, mais aussi on me demandait comment les élections allaient ceci et ça, comment... Et donc, en définitive, on vous demande votre avis un peu surtout sur la fiscalité, sur la... Je ne suis pas fiscaliste, c'est pas mon... Mais enfin, je me suis intéressé un peu à tout ça. Et pour terminer sur l'aspect politique que j'ai un peu abordé, j'ai été militant de base chez Écolo entre 1990 et 2003. J'ai jamais eu de responsabilité importante, mais j'étais à la locale de Bruxelles-Ville, où j'habite, et je me suis occupé, entre autres, j'étais administrateur pour Écolo des repas scolaires, et du parc des expositions et de l'atomium. Et ça, je le suis toujours, de l'atomium. Mais je n'ai plus aucune activité politique depuis 2003. Merci. Voilà, ça termine. J'ai été trop long, je suis désolé. Non, c'est aussi intéressant d'entendre un parcours de quelqu'un qui est dans l'économie et qui a eu un parcours académique dans les universités, un parcours dans la banque et puis des implications diverses, comme vous le dites. Mais alors ici, on va passer aux questions qui sont... les questions qui émanent de populations qui ont du mal à nouer les deux bouts, qui vivent véritablement la pauvreté, à un économiste. Et donc c'est Ludwig qui va entamer le tir des questions. Donc on va essayer de ne pas être comme à la RTB où en deux minutes il faut avoir tout bouclé. Il y a un peu le temps ici pour pouvoir parler. Et c'est justement ça l'intérêt de rencontrer, c'est de laisser du temps à la personne pour expliquer, est-ce qu'on est d'accord avec les réponses qu'elle apporte, ça peut-être pas, peut-être que oui, peut-être qu'on comprendra une partie et pas tout, mais en tout cas, l'esprit, c'est ce dialogue-là pour qu'il y ait du temps de rencontre, quoi, et du temps de réponse. Voilà. Ludwig, vas-y. Voilà. Alors, on voudrait d'abord vous demander, pour vous, qu'est-ce que c'est exactement la pauvreté? Et alors, à votre avis, à partir de quand des personnes sont pauvres ou que des personnes deviennent pauvres? Voilà. La pauvreté, il y a deux grandes manières, en économie, deux grandes manières de la définir. C'est d'une part la pauvreté relative, qui est un concept qui est très souvent utilisé, d'autre part la pauvreté absolue. Pauvreté relative, c'est quand on considère comme pauvre une tranche de la population. Et cette tranche de la population, ça se définit comme étant la population qui est à 20%, 30%, 40%, quand son revenu est de 20, 30, 40% inférieur au revenu moyen. Et qu'on considère que tous les gens qui sont dans cette catégorie ou en dessous, enfin qui sont à 30%, disons, en dessous du niveau moyen et en dessous, sont dans la catégorie, entre dans la pauvreté. Alors, ça, c'est une approche qui se base très largement sur les inégalités, parce qu'évidemment, dès lors qu'on utilise une moyenne et qu'on prend la catégorie de population qui est en dessous de cette moyenne, il y aura toujours des gens dans la pauvreté tant que tout le monde ne gagne pas la même chose. Dès qu'il y a des différences, il y en a qui sont au-dessus de la moyenne et il y en a qui sont en dessous de la moyenne. Ça, c'est une approche de la pauvreté, une définition. Et la deuxième définition, c'est la définition plus absolue, c'est-à-dire ceux qui sont... la catégorie de population qui est en dessous d'un certain revenu de X euros ou dollars pour aux normes internationales par jour. Et ça, c'est une autre catégorie de pauvreté qui, en termes internationaux, est plutôt définie ou s'appelle alors là plutôt pauvreté extrême. Donc c'est la notion d'extreme poverty qui est fixée aujourd'hui à 1,95 $. Pourquoi 95 et pas 2 $, mais 1,95 $ par jour. Et donc ça, c'est ce qu'on considère être les gens qui sont dans une pauvreté absolue. Alors, pour nos pays, je crois que les deux approches doivent être utilisées. Donc, la notion de pauvreté absolue, essayer de voir à quel niveau elle se situe, de quel revenu par jour doit-on pouvoir disposer pour ne pas être dans une pauvreté absolue. Ce que j'appellerais une pauvreté absolue, c'est une pauvreté qui ne vous permet pas d'en sortir. Donc, si on est au-dessus de ce niveau-là, on peut avoir une existence qui n'est pas très confortable, mais qui au moins permet d'envisager les moyens de sortir de cette pauvreté extrême en suivant des formations, de l'éducation, des moyens d'avoir une occupation qui permet un meilleur pouvoir d'achat. Donc cette notion de pauvreté absolue est importante dans notre pays. Je suis incapable de vous dire à quel niveau de revenu journalier elle se situe. La notion de pauvreté relative est importante également parce que une grande partie de la pauvreté et des tensions qui naissent de la pauvreté provient de la pauvreté relative. À ne pas manger à sa faim, avoir froid pendant l'hiver, c'est quelque chose qui se supporte d'une façon totalement différente si ce sont des conditions imposées à toute une population. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, la population belge, très largement, a eu faim, n'a pas pu se chauffer. Mais il y a quand même, enfin, c'est semble-t-il, plus supportable quand ce n'est pas quelque chose qui semble vous mettre dans une catégorie anormale, hors norme. Donc je crois que ces deux notions de pauvreté doivent être utilisées quand on veut combattre la pauvreté, quand on veut examiner les manières d'éviter d'y tomber, quand on veut examiner les manières de permettre de sortir de la pauvreté. Ok. Qui suivant ? Rivette. Moins on a de l'argent, plus la vie coûte cher. On ne sait pas remplir une citerne de mazout d'un coup. Et donc, on paye plus cher par petite quantité. On ne sait pas acheter des bonnes paires de chaussures. Et donc, on devra changer plus souvent. On ne sait pas isoler la maison. Et donc, on dépense plus pour l'énergie. On paye la même TVA que les gens qui ont de l'argent. Quand on achète du pain, du riz, des légumes, on ne peut pas acheter des électroménagers de qualité, etc. C'est quoi votre réponse à cette injustice ? Qu'est-ce que vous proposez pour régler cette injustice ? D'abord, je suis d'accord avec vous. Il y a là un phénomène pervers. Alors, les manières d'en sortir, les manières d'éviter sont de deux ordres. Je crois qu'il existe un certain nombre d'aides publiques et qui sont tout à fait justifiées. Et ces aides publiques, bien entendu, doivent être plus particulièrement disponibles pour des populations fragilisées, au seuil de pauvreté, donc qui sont simplement des aides publiques. Il y a eu des chèques mazout, il y a eu un certain nombre de... Il existe un certain nombre d'aides pour l'isolation, par exemple, qui varie en fonction du revenu disponible. Et puis alors, il y a quelques autres mécanismes. Certains des aspects dont vous parlez sont... adressé par le crédit, que ce soit, qu'on appelle ça le crédit alternatif ou le microcrédit, dans une certaine mesure, emprunter de façon très limitée pour pouvoir justement acheter quelque chose qui est plus cher aujourd'hui mais qui durera beaucoup plus longtemps, ça peut être une bonne utilisation d'un microcrédit ou d'un crédit alternatif. Donc, tout ce qui concerne le crédit pour aider à sortir de la pauvreté est un domaine intéressant qui a donné d'assez bons résultats dans certains pays. En Belgique, commence à avoir des études. Maintenant, il y a une quinzaine d'années que le microcrédit se pratique en Belgique. Et donc, au sens strict, le microcrédit est destiné à éviter le piège dont vous parlez. Mais est-ce que c'est la seule bonne réponse? Je ne le crois pas. C'est pour ça que je crois que l'aide publique doit également faire partie de la réponse. Moi, je vois bien que dans ma vie quotidienne, les prix des produits de base augmentent. La nourriture, surtout. Et puis l'eau, l'électricité, le pétrole, les tickets de bus et de train, le loyer, mais les revenus des chômeurs baissent. Et il y a plein de revenus qui sont toujours en dessous du seuil de pauvreté. Alors, je dois me priver de plus en plus du reste, maintenant, d'aller dans une activité culturelle, parfois de prendre le train. Je dois couper le chauffage, me priver d'électricité, me passer d'Internet, ne plus savoir faire réparer mon vieil ordinateur. Donc, je vis mal, je suis stressé, tout le temps. Pour plein d'autres, c'est comme moi. Alors, je voudrais vous demander ce que vous proposez pour régler ça et ce que vous trouvez que ça coûterait trop cher à l'État d'augmenter tous les revenus au-dessus du seuil de pauvreté et aussi de supprimer le statut cohabitant qui rend plein de gens et des familles toujours plus pauvres. Est-ce que vous pensez que tous ces gens valent assez la peine pour la société pour que l'État décide de décider ce budget? Alors, c'est une question essentiellement politique, donc moi, je ne peux pas vous donner de réponse économique là-dessus. Il y a des réponses du domaine de la sociologie ou de la politique et différents partis politiques ou différents... militants politiques auront des réponses différentes là-dessus. tout ce que je peux essayer de tracer, ce sont les arguments qui sont en présence dans le domaine économique d'une part, et une partie du spectre politique, il y a une approche qui est basée sur les incitants. Et cette approche basée sur les incitants est plus typique du monde anglo-saxon. Qu'est-ce que ça veut dire, une approche sur les incitants ? Alors, une approche basée sur les incitants, c'est pour aborder cette question, pour quelles raisons est-ce que l'État ne donne pas à tout le monde de quoi vivre décemment ? Eh bien, une partie de la réponse de l'analyse économique, j'hésite toujours à appeler ça une science, mais non. L'analyse économique et une partie du spectre politique vous diront que on ne peut pas, il faut faire attention de ne pas inciter les individus à s'installer dans la pauvreté. Et que si on donne à tout le monde de quoi vivre confortablement sans travailler, eh bien, il y a un risque qu'un grand nombre de gens ne soient plus incités à travailler. Ça, c'est le problème des... Et quand je dis que l'analyse économique utilise beaucoup ces incitants, c'est qu'une grande partie des propositions de l'analyse économique concernent les incitants. Et ces incitants, ça va du niveau de salaire à ce qu'on appelle maintenant, ça a commencé dans le milieu financier et bancaire justement, mais tout le monde sait ce que sont des bonus. Donc on donne des bonus aux gens en fonction de certains objectifs qu'ils ont atteints. Ça aussi, c'est des incitants. Les aides publiques en faveur de l'isolation des maisons, ou ce sont des incitants également. On vous incite à un certain comportement. Donc ça, c'est les incitants. Alors, pour l'analyse économique basée sur les incitants et pour une frange de la classe politique, frange, je vous dis, plus importante dans le monde anglo-saxon, en Angleterre, et aux États-Unis, sans oublier les Pays-Bas. Il ne faut pas oublier que les Pays-Bas sont le premier pays anglo-saxon. Et aux Pays-Bas, la notion de mérite est une notion extrêmement importante. Elle est ancrée dans leur religion. Le calvinisme, il est pratiquement basé sur le fait qu'on n'a rien sans rien. Donc, voilà, si on croit qu'il y a un problème d'incitation positive et d'incitation négative, la question que vous posez revient à, pour des responsables politiques et pour un État, à savoir quel est le niveau de rémunération et quels sont les types d'incitation financière et autres, parce qu'il peut y avoir d'autres types d'incitation, qui amènent un comportement qui est jugé socialement favorable. En économie, dans l'analyse économique, ce qui est jugé socialement favorable, c'est ce qui concourt à augmenter la production. Il y a quantité de comportements qui sont socialement très positifs, mais qui ne sont pas mesurés aujourd'hui et qui ne sont pas dans le circuit financier Et là se situe déjà une partie de la question que vous posez. Mais une partie également de la question que vous posez est de savoir s'il faut assurer un niveau de revenu qui permet de dépasser le niveau de pauvreté, s'il faut l'assurer à tout le monde par principe, ce qui est une possibilité, ou s'il ne faut l'assurer qu'à ceux qui soit le mérite, oui, qui le mérite, et alors la définition du mérite, c'est que soit il contribue à la vie en société d'une façon, de façon diverse, et qui mérite certainement d'être mieux élargie à la notion actuelle qui est très basée sur, sur du productivisme, ou qu'au minimum, on assure, l'État n'assure ce niveau de revenu qu'à ceux qui sont en passe, font l'effort, sont incités à aller vers cette contribution à la vie en société. Et bon, ça peut être philosophique, dans une très large mesure aussi. Hein. Certains peuvent dire, mais non, l'État devrait assurer ça à n'importe qui, même aux gens qui n'ont pas envie de contribuer. Et donc là, un point de vue philosophique, il faut savoir, si on ne veut pas contribuer de quelque façon que ce soit à la société, je crois que chacun peut être libre là-dessus, et aux États-Unis, ce qu'on appelle les libertariens, qui sont à la droite de l'extrême droite en Europe, les libertariens seront les premiers à dire, ben, les gens qui n'ont pas envie de contribuer à la société, il faut leur foutre la paix, il faut leur permettre de... Mais, en même temps, est-ce que ces gens-là doivent demander à l'État de les prendre en charge? Et c'est une des questions extrêmement importantes depuis l'établissement de la sécurité sociale moderne. Donc, sécurité sociale, il y a la naissance en Prusse et en Allemagne, les années 1860-1870, et la deuxième grande étape, c'est les années 40. La sécurité sociale plus contemporaine, et dans la sécurité sociale contemporaine, il y a un modèle anglo-saxon qui dit l'État subvient aux besoins de tous ceux qui sont prêts à donner quelque chose en contrepartie, et il y a une version plus continentale, Europe continentale, qui dit l'État doit quand même fournir un minimum à tout le monde et n'importe qui. Donc, ce sont deux... Ce sont deux tendances. En filigrane de votre question, mais je sais que ce n'est pas votre question, hein, mais en filigrane se pose quand même la notion aussi du revenu universel, qui est un concept que des économistes, entre autres belges, ont assez bien développé. La notion de revenu universel, c'est un revenu que l'État, alors, donne à tout le monde, sans aucune contrepartie, et sans savoir s'ils sont cohabitants, pas quoi, tout le monde a droit à un revenu, mais qui est plutôt un revenu assez faible, mais où il n'y a aucune espèce de contrepartie. On ne doit pas prouver qu'on est chômeur, qu'on a cherché un emploi, qu'on... Ça, c'est la notion de revenu minimum, et si on travaille et qu'on gagne même beaucoup d'argent, on garde ce revenu universel. Ça, c'est l'approche de l'idée que dès qu'on est citoyen d'une société chez nous, eh ben on a droit à ce revenu universel. C'est fort débattu, il y a des pour et des contre, dans toutes les catégories politiques, il y a des gens pour et des gens contre, pour différentes raisons. Comment le financer ? Entre autres, il faut savoir comment le financer. Ça dépend un peu, évidemment, du montant de revenu universel. Mais certaines études semblent montrer que cela peut prendre la place d'une quantité d'aides qui sont fournies aujourd'hui et dont le coût d'administration est très élevé, et donc ça simplifie beaucoup de choses. Donc, évidemment, garantir 500 euros par mois à toute la population, ça ne coûte pas le même prix que de garantir 1000 euros par mois à toute la population. Mais la question du financement est évidemment très importante. Parce que vous nous donnez plein d'explications, je trouve intéressantes, et votre point de vue à vous, personnel, il est lequel dans une option de société, que ce soit pour l'allocation universelle ou bien le fait d'augmenter des revenus, etc., quoi, par rapport... Mon avis personnel, je suis assez favorable à l'allocation universelle. Je crois que c'est quelque chose qui a... Et une allocation universelle à un niveau raisonnable de 400-500 euros. Mais allocation, et voilà, qu'on ait, qu'on garde, etc. Mais qui soit combinée avec suffisamment de mesures publiques pour éviter les différents pièges dont vous avez parlé. Et assurer un complément à ceux qui en ont besoin. Et ma conviction est qu'il est important d'être conscient des pièges de l'incitation. Donc je crois qu'il faut, pour la cohésion de la société, il faut que les aides publiques qui sont fournies soient accompagnées de contreparties. Je trouve que tout citoyen qui attend quelque chose de l'État doit être prêt à témoigner d'une bonne volonté, que ce soit en se formant, que ce soit en participant à des travaux d'intérêt collectif, que ce soit en s'insérant dans des associations, des entreprises, que sais-je. Donc je crois que le niveau de l'allocation, du paiement sans aucune contrepartie, ça doit exister, mais ça doit être d'un niveau... limité, qui n'est pas la notion de l'indemnité de chômage aujourd'hui. Aujourd'hui, la notion d'indemnité de chômage, je trouve que les indemnités de chômage devraient être beaucoup plus élevées pendant une première période, et qu'elles devraient être un véritable accompagnement d'un moment difficile. Mais il faut éviter les mesures qui encouragent à s'installer dans une situation fausse, c'est-à-dire continuer à appeler des allocations de chômage qui sont payées à des gens dont on considère qu'ils ne sont pas sur le marché du travail et qu'ils n'ont rien à y faire. Parce qu'alors, on ne doit pas appeler ça des allocations de chômage. Une allocation de chômage, ça doit être quelque chose qui permet une vie tout à fait décente et qui soit nettement au-dessus du seuil de pauvreté, mais dans le cadre d'une recherche d'un emploi. D'une activité, d'un... Plus le modèle dans les pays du Nord, alors pays nordiques, au Danemark, etc., ils ont des allocations de chômage beaucoup plus élevées, d'ailleurs qui correspondent, je crois, au départ, à garder l'équivalent de leurs revenus. Hein. Mais alors, il y a un accompagnement beaucoup plus important pour une reconversion, retrouver du travail, etc., quoi. C'est un peu ça, hein, c'est un peu ce modèle-là. Tout à fait. Le modèle dans certains pays scandinaves, et qui est aussi très différent d'une autre, dans la manière dont il est financé, parce qu'il n'est pas financé par des taxes sur le travail, par des prélèvements Donc la sécurité sociale n'est pas financée ou très peu par des cotisations sociales, mais par l'impôt en général, par le budget de l'État. Ce qui aussi diminue très fortement la différence entre les revenus bruts et les revenus nets, qui sont pas tellement un problème dans les catégories dont on parle ici en matière de pauvreté, mais ça a tendance également à éviter certains pièges dans le marché du travail et dans l'activité du travail. Donc, oui, mon avis est qu'il est bon d'avoir une combinaison des deux et qu'on aille un peu plus vers des systèmes simples. On a complexifié le système de sécurité sociale en Belgique au point que beaucoup de gens ont du mal à s'y insérer, à le comprendre et à profiter de certains avantages ou de certaines indemnités auxquelles ils auraient droit, mais c'est tellement complexe qu'on ne sait même plus. Yvette va poser une question qui va un peu recouvrir ce qu'on vient de dire, mais qui permet peut-être d'aller encore un peu plus loin. Vas-y, Yvette. Vu qu'on peut supposer ou affirmer que la question du plein emploi est un mythe, notamment à cause de la mécanisation et de l'informatisation, et que tout le monde n'a pas une capacité de travail, trouvez-vous normal qu'on maintienne le lien entre revenus et emploi sous menace d'exclure les gens de leurs droits ? Que pensez-vous des politiques d'activation des chômeurs ? Et si les gens travaillent, à partir de quel revenu vous trouverez normal d'accepter un travail ou de le refuser ? Parce que accepter un travail, c'est parfois vivre plus pauvre qu'avant. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Pour moi, de nouveau, et ce n'est pas la seule solution, mais l'allocation universelle est un moyen d'éviter cela, puisque quand on a cette allocation universelle, si on prend un travail, on la garde. Donc, toute activité rémunérée s'ajoute à cette allocation universelle. Mais, alors... Je crois aussi qu'en Belgique, nous avons un problème de ce qu'on appelle le piège à l'emploi, qui est important, qui est la fin de votre intervention. Dans un nombre non négligeable de cas, le fait de commencer à travailler accroît la pauvreté relative de beaucoup de personnes. Pauvreté relative étant définie comme la combinaison de ce qu'ils gagnent à la fin du mois, et des coûts relatifs à leur emploi, ces coûts pouvant être du déplacement, le garderie d'enfants, habillement, plein d'autres choses. Et donc, effectivement, je m'excuse, mais on en revient à un problème d'incitant. Donc, il y a un certain nombre d'emplois, de niveaux de rémunération de certains emplois en Belgique qui n'incitent pas les gens à travailler, qui n'incitent pas les gens à sortir d'une situation de pauvreté. Je crois qu'on devrait... effectivement, personnellement, il en a été question ces derniers jours, relever le niveau du salaire minimum serait pour moi une très bonne chose. La plus importante, je crois. Que le salaire minimum soit plus élevé qu'aujourd'hui, et en tout cas qu'il ne soit plus taxé et qu'il n'y ait... Alors, le niveau de taxation des très bas revenus est assez faible, ça dépend dans quelle catégorie de bas revenus on est, mais il faudrait supprimer toute taxation des revenus inférieurs à un certain niveau, que ce soit l'impôt ou la cotisation sociale. Donc, un relèvement, je ne vois pas d'autre solution, un relèvement du... Quand vous parlez de taxation sur le travail, ce qu'on appelle cotisation sociale, en quelque sorte, mais si on les diminue ou si on les annule pour vraiment les bas revenus, etc., et comment, quel équilibre ou déséquilibre est-ce que ça crée par rapport à la sécurité sociale? Comment est-ce qu'on compense? Est-ce que la perte de ce qui entrerait dans les caisses collectives permettrait encore de faire tourner la machine? Ou est-ce qu'on va chercher l'argent ailleurs? Parce que je pense qu'il y a un peu un avis général que le net qui doit arriver dans la poche des gens doit être plus important, mais en même temps il ne faut pas non plus que les services rendus par les services publics deviennent alors payants ou diminuent ou, donc voilà, enfin, je me permets d'ajouter cette question là pour... Vous avez raison et c'est une question extrêmement importante. Personnellement, je crois que il y a au moins trois niveaux de réponse. Je crois que les rigidités dont nous souffrons en Belgique, et particulièrement parmi les partenaires sociaux, font que nous négligeons une réponse facile à votre question, réponse facile dans laquelle... En réduisant certaines cotisations sociales, on améliorerait plutôt l'équilibre financier de la sécurité sociale. Et je vois surtout les catégories des revenus les plus faibles et les plus jeunes, et les catégories des plus de 55 et particulièrement des plus de 60 ans. Le plus bel exemple pour moi, c'est les plus de 60 ans. Classe moyenne, emploi moyen, de plus de 60 ans, avec la formation des salaires en Belgique qui est caractérisée par une indexation barémique importante. Les plus de 55 et plus de 60 ans ont dans leur catégorie des salaires assez élevés, qui sont jusqu'à 80-90% plus élevés que la même qualification dans les tranches d'âge qui commencent. Et comme ces salaires entrent alors dans des catégories qui sont assez fortement sujettes à cotisations de sécurité sociale, concentrons-nous sur la sécurité sociale pour le moment, le coût total du salarié est élevé. Que fait typiquement l'entreprise belge avec des travailleurs de 55 ans et plus? Elle les licencie. Et elle vous dit, quand on licencie des 55 plus et qu'on les remplace par des jeunes, on économise 50%. Donc, on peut parler à n'importe quel responsable des ressources humaines dans une banque ou une entreprise. Il vous dira... Que personne n'y pense ici parce que je suis dans la catégorie. Voilà. Mais voilà, c'est souvent comme ça. Donc, nous avons encore, je crois qu'au-delà de 62 ans, on a encore 10% de la population active éligible qui travaille encore. Alors, on dirait qu'on supprime ou qu'on réduit aujourd'hui les cotisations sociales pour des travailleurs d'une catégorie moyenne de cet âge-là sont de 30%. On réduirait ça de 30 à 5%, mais on passerait de 10% de la population éligible à 50 ou 60 ou 70% de la population éligible. La sécurité sociale, oui, d'accord, y gagnerait plus de cotisations. En plus, elle ne devrait pas payer des allocations de chômage ou l'équivalent de prépension qu'elle fait aujourd'hui. Les prépensions, ça coûte une fortune à la sécurité sociale. Donc si on prévoyait une réduction des cotisations de sécurité sociale après 55 ans et encore plus après 60 ans, on pourrait avoir des réductions qui maintiennent un peu plus les gens au travail, et leur capacité à contribuer à la sécurité sociale. Alors, il y a des gens qui n'ont plus envie de travailler dans certains métiers. Il y a des métiers vraiment pénibles. Je ne crois pas que ceux qui actuellement ont les âges de la pension les plus faibles soient nécessairement les métiers les plus pénibles. Mais enfin, il semble très difficile de redéfinir la pénibilité du travail en Belgique. De nouveau, nous avons des partenaires sociaux qui sont, quand ils se mettent ensemble, d'une rigidité totale. Donc, patron et syndicat. Patron et syndicat, quand deux, ils se mettent ensemble, ils sont d'une rigidité extraordinaire. Donc, on n'arrive pas à changer cette définition. Mais, donc, aujourd'hui, les départs à la prépension coûtent très cher à la sécurité sociale et ne font pas nécessairement le bonheur des prépensionnés. Il y a pas mal d'études qui sont faites, on est plutôt de nouveau du domaine de la sociologie, mais les études qui sont faites montrent qu'une grande partie des gens prépensionnés, surtout quand c'est vers 52, ça existe encore, 52, 55 ans, en sont perturbés. Alors qu'à partir de 60 ans, un certain nombre, pas tous, de gens soient heureux de partir à la prépension. Ça a l'air aussi d'être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais il faut savoir que ça coûte à la sécurité sociale. Donc, je vous dis, je crois qu'il y a des moyens de réduire, et la même chose, le même exemple, à mon avis, vaut pour les jeunes, surtout dans certaines régions où le chômage des jeunes est particulièrement élevé. Si en réduisant les cotisations sociales pour des tranches d'âge les plus jeunes et les revenus les plus faibles dans ces tranches d'âge les plus faibles, on ne va pas perdre grand-chose et on pourrait y gagner en amélioration de l'insertion, de ces jeunes. Donc ça, c'est une partie de la réponse à votre question. Une autre partie concerne un financement qui viendrait du budget de l'État. Il y a déjà maintenant 20 à 30% des recettes de la sécurité sociale qui sont financées directement par l'État. Avec, je crois, un pari sur le fait que cela améliorerait la croissance économique et que l'État pourrait s'y retrouver. C'était un peu l'idée du tax shift. Et alors, la troisième catégorie, ce sont les recettes compensatoires. Et les recettes compensatoires, alors, évidemment, certains disent toujours, tout de suite, il faut plus taxer le capital. D'autres diront non, il faut plutôt des taxes environnementales, enfin, ou des combinaisons, une plus grande taxation du capital, ou des revenus du capital, c'est pas la même chose. Des taxes compensatoires, par exemple, sur les produits environnementalement néfastes, la réduction de tout un tas d'échappatoires fiscaux, une meilleure taxation des bénéfices des multinationales. Enfin, il y a un ensemble de choses qui sont soit une meilleure perception des impôts actuels, soit certains impôts nouveaux. Ça, c'est la deuxième grande catégorie. Alors, la troisième grande catégorie, c'est, dans certains pays scandinaves, ce qui est pratiqué, je crois qu'au Danemark, la TVA, elle évolue entre 25 et 33 %. Mais c'est la TVA qui finance la sécurité sociale. Et tout le monde trouve normal de devoir payer plus. Alors, il y a un certain nombre de biens de première nécessité qui échappent à la TVA, mais sinon, la TVA sur les voitures, les aliments qui ne sont pas de première nécessité, sur les services. Pardon ? Les produits de luxe, il a dit. Produits de luxe, tout à fait, on est à 33 %. Alors ça, c'est vraiment un changement de philosophie. La taxation indirecte est une des taxations les les plus discutées pour le moment, parce que c'est la plus facile à percevoir. La TVA, c'est plus facile à percevoir que l'impôt sur le revenu des sociétés, parce que le revenu des sociétés, c'est déjà difficile à définir. Le revenu des sociétés internationales, pour ne pas parler de multinationales, c'est déjà très, très... Voilà, donc ça se tripote, ça se manipule, et donc c'est beaucoup plus difficile à percevoir. Ben voilà, mais donc... C'est bon. Je voyais Gradier qui réagissait quand vous disiez les partenaires sociaux dans une forte rigidité, et je voyais sur sa bouche, elle disait, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que... Que ce soit, enfin, voilà, de façon générale, qu'est-ce qui fait que... Je comprenais pas qu'est-ce que vous vouliez dire, en fait, quand vous disiez ça. Ah, mais pourquoi, je sais pas. Mais d'abord, sur le constat, c'est un jugement personnel, hein, je reconnais. Mais je trouve que quand on demande aux partenaires sociaux de faire des propositions sur quelque chose, ils ont énormément de mal à changer leurs habitudes, à changer quoi que ce soit qu'ils font aujourd'hui. Et quand ils arrivent avec des propositions, ils demandent toujours aux contribuables de payer. Donc, là, on avait un exemple, c'était la pénibilité au travail, parce que sinon c'est trop vaste de prendre un exemple pour qu'on comprenne bien. Bah, la pénibilité au travail, pour caricaturer, je dirais qu'il y a des métiers dans lesquels on accepte aujourd'hui un départ à la pension plus tôt, et parfois très tôt. Alors, c'est des métiers qui, dans le temps, ont été très pénibles. Mais les chauffeurs de train. Le chauffeur de train, dans le temps, il était avec sa pelle et devant le charbon, les chauffeurs. Hein, donc, vous voulez dire en fait que ça s'est amélioré, les conditions de travail se sont améliorées, c'est ça que vous voulez dire? Des métiers qui ne sont plus aussi pénibles qu'avant, mais ils ont gardé leurs droits acquis et ils peuvent partir à la pension nettement avant 65 ans. Alors, est-ce que si on veut remettre en cause la notion de départ anticipé à la retraite, il faut pouvoir parler de ces métiers-là. Mais si les partenaires... Parce qu'ils sont pénibles, c'est ça. Parce qu'ils seraient pénibles. Alors, vous avez la même chose un peu dans l'enseignement. Je ne sais pas s'il y a des enseignants parmi vous, mais l'enseignement primaire, secondaire, on a prépensionné massivement il y a une quinzaine d'années, parce qu'il y avait trop de monde dans l'enseignement. Pour tout un tas de raisons, démographiques entre autres, les classes étaient moins nombreuses, il y avait moins d'élèves, il y avait trop de monde dans l'enseignement. Alors on a prépensionné. Et puis, on avait dit à 58 ans, ou même plus tôt, on pouvait partir à la pension, et puis on a commencé à dire puisque maintenant les classes sont plus nombreuses et qu'on a besoin, et puis il y a moins d'enseignants qu'avant, donc il faudrait qu'ils prennent une retraite plus normale à 65 ans. Alors aussi, ils viennent dire que leur métier est pénible. Bon, quand on parle avec des enseignants... Mais peut-être que c'est pénible. Qui juge que c'est pénible ou pas? Oui, mais voilà, donc il faut se mettre... Mais alors, si le métier d'enseignant est pénible, pourquoi est-ce que le métier de guichetier de banque n'est pas pénible? Donc, c'est tout le problème de la définition d'un âge de départ à la retraite. Dans le temps, il y avait des enseignants qui donnaient cours jusqu'à 70, 75 ans et qui étaient très heureux de continuer à donner cours. Vous pouvez aller voir à l'université, il y a des gens qui ont envie de prendre leur pension à 50 ans. Il y en a d'autres qui, à 75 ans, enseignent encore. Donc, la pénibilité n'est peut-être pas le meilleur critère. Est-ce que c'est... Dans le professionnel, il y a des enseignants qui sont vraiment... Oui, oui, oui, mais tout à fait. Mais donc, il y a probablement des catégories et il y a peut-être du personnel naviguant dans des chemins de fer ou d'autres. Mais de là à considérer que toute la généralité s'impose, c'est pas si évident. Mais il est très difficile aujourd'hui sur la pénibilité du travail, les partenaires sociaux, ils n'arrivent à rien. Quand ils ont fait des propositions, c'est des propositions où l'État doit payer beaucoup. Parce que le patronat ne veut pas faire de concessions, les syndicats ne veulent pas faire de concessions, donc qu'est-ce qui reste ? Ah, on dit on a un accord, et l'État doit payer autant. Alors l'État dit, oui, nous, nos budgets, on doit équilibrer nos budgets. Et donc les partenaires sociaux, ils n'avancent pas. C'est ça que je voulais dire. Moi, je les ai vus dans le domaine de l'énergie, les partenaires sociaux, ce n'était pas très joli à voir. Ils s'entendaient très bien pour que nous ayons l'énergie la plus chère du monde. Ah, c'est ça, d'accord. Oui. Oui, mais c'est vrai, oui, oui. Ça. Oui, oui, mais sur l'énergie, on peut revenir dessus. Oui, ça a été géré par les partenaires sociaux jusqu'en 2005, et ça le reste encore dans une large mesure. L'énergie était gérée par les partenaires sociaux. Il y avait un comité de contrôle dont la puissance contrôlante, c'était syndicats et FEB ensemble. Et ils nous ont produit le système le plus cher du monde. Mais il y a plein de gens qui en profitent, mais surtout pas le consommateur. Donc, c'est ce que je veux dire par leur rigidité. Pour les enseignants en retraite qui sont engagés, qu'en pensez-vous ? Il y a des enseignants maintenant qui sont retraités, mais qui doivent revenir enseigner. Qui choisissent, oui. Mais donc, c'est tellement, il y a une pénurie de professeurs. C'est une question ? C'est la question. Moi, je n'en pense rien. Oui, moi, je n'en pense rien de particulier. Je crois que nous avons un enseignement. Enfin, la question de l'enseignement en Belgique est une très vaste question. On a un enseignement qui coûte extrêmement cher, avec un taux d'encadrement extrêmement élevé et qui ne donne pas des résultats excellents. Mais quand on demande aux partenaires sociaux, au secteur, de faire des propositions, tout ce qu'ils arrivent à dire, c'est qu'il faut refinancer. Or, c'est déjà probablement l'enseignement secondaire et probablement le mieux financé d'Europe, ou peut-être du monde. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'il faut faire, il faut donner encore plus d'argent. Mais donc, je ne crois pas que la solution viendra des partenaires sociaux. Donc, c'est un peu ce que je veux dire. Voilà. Justement, l'enseignement, c'est très important et ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de problèmes parce que l'enseignement n'est pas toujours attentif aux familles qui ont des difficultés. L'enseignement coûte très cher. Il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes avec ça et qui ont donc des conséquences sur les enfants. Il y a des jeunes qui ne vont pas faire des études à cause de cela. On se demande pourquoi l'enseignement n'est pas vraiment gratuit. En tant qu'économiste, que proposeriez-vous comme moyen pour arriver à un enseignement gratuit pour que ce ne soit plus un problème pour aucun enfant et aucun jeune ? Écoutez, d'abord, je suis d'accord avec votre constat, mais de nouveau, je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément de moyens consacrés à l'enseignement, mais qui sont avant tout, et presque chaque fois qu'il y a des augmentations, consacrées aux enseignants et pas aux enseignés. Je crois que nous avons un taux d'encadrement d'un enseignant pour 7 ou 8 élèves. Je crois qu'on pourrait très bien vivre avec un taux d'encadrement nettement plus faible ou plus élevé, enfin ça dépend comment. Enfin, avec un enseignant pour 10 ou 15 élèves. Je ne parle pas de classe, mais je parle du nombre d'enseignants et du nombre d'enseignés. Il faut savoir que dans les enseignants, il y en a beaucoup qui sont payés, mais qui ne travaillent pas. Ou qui ne travaillent pas dans l'enseignement. Ils sont affectés dans d'autres fonctions. Oui. Donc, je crois qu'il faut, dans une réforme intelligente de l'enseignement, il faut exactement adresser les questions que vous posez, c'est-à-dire tous les coûts indirects pour les familles des élèves et une prise en charge par les pouvoirs publics de tous ces coûts indirects afin d'arriver à un enseignement effectivement gratuit et d'arriver à un enseignement dont les, dont les responsables soient incités. On en revient à l'incitation. Eux aussi doivent être incités. Eux aussi doivent être incités à utiliser au mieux les moyens qu'on leur donne plutôt que d'être incités à toujours demander plus de moyens. Donc, alors, la manière d'y arriver, il semble y avoir diverses manières. L'enseignement uniquement public est donne de bons résultats dans un certain nombre de pays. L'enseignement purement privé, il n'y a pratiquement aucun modèle, mais il y a pas mal de pays dans lesquels il y a une combinaison d'enseignement public et privé, et le privé étant de différents grades Non, mais on est plus ou moins privé en Belgique. En Belgique, 50% de l'enseignement primaire et secondaire est privé. Oui. Officiellement, oui. Ce qu'on appelle le libre est privé. Alors, c'est un privé qui est quasi officiel. Bon. Mais il y a d'autres pays dans lesquels il y a assez bien de privé. Alors, il y a des cas d'enseignement privé payant, et malheureusement, enfin, je retire le malheureusement, mais c'est le modèle qui se développe le plus pour le moment, surtout dans le tiers-monde, c'est l'enseignement privé payant, particulièrement en Inde, dans d'autres pays du tiers-monde. Les carences de l'enseignement officiel, de l'enseignement public, sont telles que de l'enseignement privé prend une place importante, payant, prend une place importante. Il y a de l'enseignement privé payant dans toute l'Europe et aux États-Unis, partout. Bon, alors en Belgique, c'est relativement modeste, mais ça existe pas mal. Hein, de plus en plus de gens font appel à des professeurs particuliers quand même pour pouvoir suivre leurs études. Il y a tous les grades. Hein. Il y a les professeurs particuliers. Il y a également des boîtes à, ce qu'on appelle des boîtes à bac. Enfin, il y a des écoles qui sont franchement privées. Et donc, dans tous les pays européens, ça existe avec des degrés divers. Il y a certains pays qui ont des expériences assez intéressantes, entre autres la Hollande. Des systèmes de voucher. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? C'est des systèmes de... Des chèques enseignement. Donc vous recevez, quand vous avez des enfants, vous recevez des chèques enseignement et vous pouvez les utiliser soit dans le système public, soit dans des systèmes privés qui, quand ils reçoivent ces bons d'enseignement, ces chèques enseignement, peuvent les monétiser auprès de l'État. Et donc pour l'individu et sa famille, ça ne coûte rien, mais c'est des systèmes qui modifient le rapport des incitations. On revient aux incitations. Et je crois même qu'ils peuvent même se grouper ensemble et créer une nouvelle école. Ce qu'on peut faire en Belgique aussi. Hein. Donc en Belgique, il y a des gens qui créent des écoles et qui obtiennent des subsides, la reconnaissance et qui obtiennent des subsides. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Là, avec le système de voucher, bah, le système de voucher, ça marche aussi. Donc il y a différents systèmes qui fonctionnent et qui méritent d'être testés. En Belgique, pour le moment, je trouve que on continue à beaucoup se regarder le nombril. Et alors, l'histoire, vous connaissez l'histoire du rameur qu'on doit motiver. Non, mais c'était à l'époque, ça circulait beaucoup à la Générale de Banque. Quand j'y étais, il y avait chaque année un grand concours, comme vous connaissez les concours des rameurs entre Oxford et Cambridge. Hein, donc, ils ont des bateaux de course, et puis il y a des rameurs et il y a des équipages. Et là, il y avait un concours chaque année entre la Générale de Banque, la Credit Bank et la Banque de Bruxelles à l'époque. Et alors, le bateau de la Générale de Banque était arrivé le dernier. Alors, on s'est demandé comment ça se faisait. Il arrivait dernier chaque année. Hein. Alors, on a payé des consultants très chers. On a fait venir McKinsey. Et le consultant a fait son rapport. Il a dit, ben voilà, vous savez, à la Credit Bank, il y a 7 membres d'équipage. Enfin, dans tous les bateaux, il y a 7 membres d'équipage. Il y a 6 rameurs et un barreur. Et c'est eux qui gagnent. Et puis les deuxièmes, c'est à la Banque de Bruxelles. Il y a 2 barreurs, un francophone, un néerlandophone, et il y a 5 rameurs, et ils arrivent deuxièmes. Et à la Générale de Banque, il y a 6 barreurs, et il y a un rameur. Et, on comprend. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on doit faire, Monsieur McKinsey? Ah ben, vous devez nous donner d'abord une deuxième mission, et on va revenir. Alors, 6 mois plus tard, ils sont revenus avec comme recommandation qu'il fallait mieux motiver le rameur. N'est-ce pas? Donc, quand on parlait d'incitation, vous voyez, donc les économistes, vous voyez, l'incitatif. Donc, maintenant, le pacte d'excellence, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ben... on va donner une année de formation en plus à nos enseignants du secondaire. Est-ce que ça va améliorer quelque chose? Personne ne sait. Mais donc ça va coûter une fortune. Personne ne sait où on va trouver l'argent. Mais on va demander un refinancement de la communauté française. Voilà. Donc... les rigidités du système. On va chez Eddy alors. En question sur le logement. Dans notre pays, des personnes ne peuvent pas se loger, payer régulièrement le loyer. Des personnes doivent choisir entre payer le loyer, l'eau, le mazout ou l'électricité et donc être toujours en danger, menacées d'être en défaut, de s'endetter, de risquer d'avoir un compteur à budget ou un limiteur de débit d'eau. Comme économiste, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre la question du logement? Je crois que il y a des systèmes en place qui existent, mais qui ne sont pas toujours très très bien gérés et qui malheureusement font que des situations comme vous décrivez persistent. Donc le logement social, c'est la meilleure réponse. Donc il faudrait qu'il y ait suffisamment de logements sociaux et qu'ils soient gérés dans l'intérêt des catégories visées et des catégories défavorisées. Alors c'est pas toujours facile, hein, parce que la notion de logement social, c'est un des pièges aussi au revenu et à la sortie de la pauvreté. Si vous améliorez vos conditions matérielles, que vous perdez votre logement social, ben en définitive, parfois vous préférez surtout ne pas avoir un emploi plus rentable ou une augmentation, parce que la perte du logement social peut vous coûter beaucoup plus cher que ce que ça vous rapporterait. Donc il faut trouver des solutions autour d'une gestion intelligente du logement social et je crois aussi un accès à un minimum gratuit d'eau, gaz, électricité, téléphone. Donc ce sont des notions qui ont déjà été, qui existent et qui doivent être éventuellement revisitées et adaptées, mais un minimum gratuit me semble indispensable. Ça, c'est quand même fort à contre-courant de ce qui se passe maintenant, hein, puisque on voit que... Parce que là, ça, quand on dit un minimum gratuit, ça veut dire qu'on conçoit qu'il y a un droit à l'énergie, un droit à l'eau, alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'à partir du premier euro, les personnes en difficulté, je veux dire, sont sanctionnées, parce qu'elles vont avoir le compteur à budget ou le limiteur de débit d'eau, etc. Et donc, c'est clair que ça fait partie des préoccupations du réseau et de ce qui est réclamé à corps et à cri par les gens. Mais quand on entend, parce que vous parliez tout à l'heure d'énergie en disant, enfin, vous n'en avez pas encore parlé, mais vous avez dit, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'énergie, on a un peu peur qu'on continue à aller en sens complètement inverse. On entend que les prix ne peuvent que augmenter, ou pour des raisons environnementales, hein, ou de gestion de l'eau, traitement de l'eau, etc. Et ça fait, ça donne un peu des frissons, quoi, parce que, voilà. Tout à fait, mais on en revient aussi en partie à une remarque d'Yvette tout à l'heure. Pour l'énergie, ce qui est particulièrement choquant, c'est que pour les volumes élevés, vous payez moins. Donc quand vous dépensez plus... Cette année. Il y a des sociétés qui sont payées pour utiliser de l'électricité. Ça, c'est pas une question de volume. Ça, c'est une question... C'est pendant certaines périodes, la nuit, quand il y a de l'électricité, quand il y a de l'électricité excédentaire. Oui, mais c'est la conséquence du renouvelable. Hein, donc, mais... c'est un... Enfin... Mais le la structure de prix, devrait être déterminée par l'État. On a libéralisé l'énergie d'une façon assez suboptimale, disent les économistes. C'est marrant que vous disiez ça, parce que libéraliser de manière suboptimale, alors que justement la théorie économique dit que plus on tend vers le libéralisme, plus on est optimal, c'est un peu marrant d'entendre ça de votre part. Non, mais on a libéralisé d'une façon qui a surtout bénéficié aux acteurs, aux plus gros acteurs, ou à tous les acteurs. Ceux qui en ont presque le plus profité, ça a été les sociétés quasi-public, ce sont les intercommunales de distribution. Mais donc, dans la libéralisation, on a érigé en principe que ce sont les acteurs qu'on appelle maintenant les fournisseurs qui déterminent les stratégies tarifaires. Et donc, votre fournisseur, donc le fournisseur, c'est celui qui vous contacte pour vous vendre l'énergie, même si ce n'est pas lui qui la produit et ce n'est pas lui qui la transporte. Mais votre fournisseur, c'est donc Electrabel, Luminus, Lampiris, Watt Plus, Octa Plus, enfin... Mais c'est chaque fois leur partie. Donc chez Electrabel, c'est ce qu'on appelle ECS, Electrabel Customer Solution. C'est la partie commerciale d'Electrabel ou la partie commerciale de Luminus. Et alors, eux déterminent les tarifs. Et eux, évidemment, ils appliquent une logique de marché. C'est qu'ils préfèrent avoir des gros clients, parce que les gros clients sont plus rentables. Et donc, ils disent aux gros clients, si vous êtes un gros client... vous aurez chez moi un tarif plus faible sur la partie la plus élevée de votre consommation. Et certains font semblant de croire encore... C'est tellement peu convaincant que c'est plutôt de la mauvaise foi, mais certains font encore semblant de croire que depuis qu'on a libéralisé, on ne peut plus imposer des tarifs d'un certain type. Or, c'est très facile à faire. Il y a différentes manières... Inter-Environnement a d'ailleurs fait des propositions à cet égard. C'est assez facile. Il y aurait très bien moyen d'avoir une grille de tarification inverse de ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une première tranche serait gratuite et puis une deuxième tranche serait à un certain tarif et une tranche supérieure de consommation serait beaucoup plus chère. Ce qui serait la logique même. Donc il y a moyen de mettre ça en place. Mais évidemment, les acteurs n'ont pas intérêt. Et les politiques qui comprennent rien à l'énergie, les seuls qui comprennent sont ceux qui, disons, n'ont pas vraiment intérêt à ce que ça change. Et donc ça ne change pas. Et donc, ça ne change pas. Mais donc, la gratuité pour le truc de base, pour moi, c'est... OK. Ça devrait être évident. Alors, on repart chez Damien, je crois. Oui, je pense. Un exemple que j'ai connu dans ma vie, parce que je suis surendetté. Régulièrement, quand on commence à s'en sortir, il y a une dette qui revient et qui nous réenfonce, notamment parce qu'il y a quelque chose qui ne nous aide pas à en sortir. J'explique. Quelqu'un qui a une dette de 500 euros et qui a pourtant de l'argent, parce que des négligents, il y en a partout, il ouvre le portefeuille et il paye en une fois. Une personne pauvre qui a la même dette, elle va devoir payer en plusieurs fois, ajouter des amendes, des intérêts, des frais d'huissier. Et donc, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Je ne trouve pas ça normal. Ça nous remet la tête en dessous de l'eau. Est-ce normal que le système économique punisse le pauvre d'être pauvre plutôt que de l'aider à s'en sortir? On pourrait croire que les économistes et les financiers pensent que nos difficultés économiques viennent de notre comportement. Est-ce que vous pensez ça? Finalement, que proposeriez-vous pour changer ça? Je crois que là, de nouveau, il faut essayer de regarder les systèmes qui existent et voir s'ils fonctionnent bien et s'il y a moyen de les faire fonctionner mieux. Je crois que le cas que vous décrivez, c'est un cas assez répandu de gens qui ont beaucoup de mal à gérer des dettes, à gérer un budget pour commencer, et puis à gérer des dettes parce qu'ils ont mal géré leur budget pendant une première période et que ça enfonce, et qui... On n'avait pas de budget tout court. On ne gère pas toujours mal. Il y a des fois, on n'a tout simplement pas de budget. Oui, donc il y a en plus des gens qui, effectivement... Ceux-là, on est ramené au problème dont on a déjà parlé. Hein. Je crois que par rapport aux gens qui n'ont aujourd'hui, qui sont dans une pauvreté absolue, c'est-à-dire qui sont en dessous d'un certain type de revenu, on n'est pas dans le problème que vous décrivez. Ce n'est pas un problème de dette du passé ou de... S'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre pendant le mois normal, pour ces gens-là, effectivement, la seule issue, c'est d'avoir un niveau de revenu qui leur permette d'avoir la tête hors de l'eau. Mais quel est ce niveau de revenu? Enfin, on en revient au problème, à la question d'avant. Celui qui est dans la situation que vous décrivez, c'est donc quelqu'un, si je comprends bien, qui a un certain revenu et avec lequel il pourrait vivre, mais qui a beaucoup de mal à gérer une dette du passé. C'est ça le problème. Ça peut être ça, oui. Ça peut être ça. Oui, et la question, elle tourne autour de... on a l'impression que quand les personnes, de toute façon, sont confrontées à des dettes, les intérêts de retard, des amendes, les huissiers, les sociétés de recouvrement. Voilà. Donc il y a toute une machinerie qui, en fait, fait que c'est très régulier parmi les personnes en situation de pauvreté pendant très longtemps. Elles remboursent quand elles le peuvent davantage les intérêts et les amendes et quasi jamais la dette elle-même. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le système puisque ça continue à mettre la tête en dessous de l'eau d'une certaine façon. Donc voilà, c'est... Non, tout à fait. Mais donc, je vous dis là, il faut essayer de voir quels sont les systèmes existants. Il y a des systèmes qui existent dans les CPAS, normalement. Il y a des services qui... sont destinés à venir en aide à ces personnes en les aidant à négocier avec leurs créanciers un plan d'apurement. Et je crois qu'il faudrait... On avait à l'OCCH, on avait un service qui était... Euh, qui, qui, qui était dédicacé, enfin qui faisait ça, donc qui aidait les gens à, en grave difficulté, à apurer leurs dettes. Et généralement, ces gens-là, les intérêts de retard, les amendes, et même souvent les intérêts, on laissait tomber. La grande difficulté, c'était d'arriver à distinguer entre ceux qui étaient vraiment dans la difficulté et ceux qui avaient entendu que et qui essayaient d'en profiter. Parce que des gens qui essayent de profiter d'un avantage... Les huissiers, par exemple. Oui, ça, c'est encore autre chose. Ils en profitent, hein. Ah non, tout à fait. Dès qu'on a lancé des huissiers sur quelque chose, ça devient très difficile. Mais... Donc, peut-être pourrait-on imposer à tous les fournisseurs de services généraux, que ce soit les banques dans le crédit hypothécaire, par exemple. Le crédit hypothécaire est quand même une partie très très importante de l'équilibre ou du déséquilibre financier des ménages en Belgique et des personnes, mais également tous ceux qui vendent des services, que ce soit au gaz, électricité, téléphone, ou même des électroménagers de base, veiller à ce qu'ils aient, soit dans leur entreprise, soit au sein d'un groupement, qu'ils aient des services de médiation de la dette. Parce que la médiation et l'assistance dans le cadre d'une dette telle que vous, de la gestion d'une dette telle que vous la décrivez, ça peut être extrêmement, extrêmement utile. À l'OCCH, on avait exactement ça, et c'était souvent il y avait beaucoup d'anciens employés de l'OCCH qui sur base dans plusieurs provinces, on était organisé par province, et dans plusieurs provinces, ils avaient organisé des services de médiation qui faisaient exactement ça. Et bon, en principe pour l'hypothécaire, mais ils allaient beaucoup plus loin. Et donc ça, c'est un ensemble de services de proximité. Je vous dis, aujourd'hui, les CPAS sont censés faire ça, et dans beaucoup de communes, le CPAS offre ce genre de service. Dans d'autres communes, sont débordés et ils n'arrivent pas à offrir le service. Et donc, il y a effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a des spirales. Dès qu'on entre dans l'endettement, et qu'on est proche de la pauvreté, mais dès qu'on a un accident quelconque qui vous accole une dette, il est parfois très très difficile de la gérer, et elle peut vous coûter beaucoup beaucoup plus cher qu'à quelqu'un d'autre. Ok. Alors, chez Audrey. On nous dit que les Belges ont plein d'épargne sur des comptes. On nous dit aussi que presque 40% des Wallons n'ont presque pas ou pas du tout d'épargne. Nous, on sait ce que c'est de vivre dans le stress parce qu'on n'a pas d'épargne du tout. Comme économiste, qu'en pensez-vous? Comment expliquez-vous que même des personnes qui travaillent ne savent plus épargner? C'est vrai que l'inégalité... est une chose pas toujours facile à définir, mais il y a donc une inégalité de revenus et il y a des inégalités de patrimoine qui sont généralement plus importantes que les inégalités de revenus. Donc en matière de patrimoine, c'est pas tout à fait votre question, hein, mais donc en matière de patrimoine, on a de grandes inégalités. Ça veut redire dans patrimoine ce que vous mettez? Derrière le mot patrimoine, qu'est-ce que vous mettez? Le mot patrimoine, c'est l'ensemble de l'épargne constituée. C'est ça. Donc là, déjà, il y a des différences. Et il y a des différences parfois très importantes, entre autres héréditaires. Mais alors, devant l'épargne, c'est encore autre chose que le patrimoine constitué. L'inégalité est beaucoup plus importante en matière d'épargne qu'en matière de revenus, parce que, ça c'est un phénomène bien connu, Donc la tendance à épargner augmente plus que proportionnellement, augmente et diminue plus que proportionnellement avec le revenu. Donc si on prend un point médian, et qu'un point médian, les gens épargnent, disons, 5 000 euros par an, eh bien, pour des revenus qui sont plus faibles, la capacité d'épargne diminue très rapidement. Et pour ceux qui ont des revenus plus élevés, la capacité d'épargne augmente très rapidement. Et donc, voilà, le fait que certains épargnent parfois beaucoup, et que d'autres n'ont pas la capacité d'épargner, je crois que c'est assez largement basé sur les différences de revenus, mais c'est aussi, il y a également de grandes différences du fait d'une certaine attitude par rapport à la consommation. Donc, il y a des gens qui, avec presque n'importe quel type de revenu, vont quand même essayer d'un peu épargner. Il y en a d'autres qui, avec presque n'importe quel type de revenu, en fin d'année, n'auront pas épargné. Je ne veux pas trop parler de l'OCCH, mais on avait quand même fait des catégories de bons et de mauvais emprunteurs hypothécaires. À votre avis, dans quelle catégorie se situaient les fonctionnaires européens ? La réponse à la question, c'était parmi les plus dangereux. Ils claquaient. Donc la catégorie, c'était des gens qui, en tant que catégorie globalement, étaient considérés comme ayant des habitudes d'épargne assez faibles. Ils épargnaient assez peu. Et donc, ils avaient tendance à dépenser ce qu'ils gagnaient. Et donc, alors, je ne veux pas généraliser de façon caricaturale, mais pour certaines catégories de revenus, j'oublie maintenant les fonctionnaires européens, on avait quelques autres catégories comme ça, certaines catégories de revenus, même parfois des revenus élevés, des gens qui voulaient acheter des maisons ou des appartements fort chers, sur base de certains types de revenus, ben, on s'en méfiait horriblement parce que c'était des gens qui avaient la réputation de très peu épargner. Et donc, dès qu'ils avaient le moindre contretemps, oh ben, ça n'avait plus remboursé leur prêt hypothécaire. Et alors, dans ce sens-là, quel est le profil de l'épargneur modèle ? Alors, je crois pas qu'il y ait un profil, je crois qu'il y a des habitudes de consommation, des habitudes. Dans beaucoup d'études que j'ai vues sur la pauvreté, vous avez des définitions extrêmement larges. Pour certains, la pauvreté, c'est avoir faim. Pour d'autres, c'est ne pas pouvoir aller au cinéma. Et on ne peut pas critiquer. Pour d'autres encore, c'est pas pouvoir aller au football. Certains, avec un revenu moyen, s'ils veulent aller au football tous les mois, toutes les semaines, s'ils veulent, à la fin du mois, ils n'auront rien épargné. Ils se seront même peut-être endettés. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de profils socio-économiques. Ce sont plutôt alors des profils psychologiques. Vous avez des gens qui sont, par nature, plutôt épargnants. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on a ça par pays. Hein. Donc les pays sont très différents, pour autant que un pays soit une catégorie, mais les Belges épargnent assez bien, les Italiens épargnent assez bien, les Américains sont en désépargne systématique. Donc les ménages américains, pour les économistes, il y a trois grandes catégories, hein, je pense que l'un ou l'autre a dû vous dire ça, il y a les entreprises, les États et les ménages. Vous, que vous soyez isolé ou chef de famille, vous êtes un ménage. Mais voilà, les ménages, le profil de consommation d'un ménage à l'autre, c'est très très différent. Et le profil d'épargne, selon les pays, ça varie très fort. Et on ne sait pas nécessairement pourquoi. Certains disent que l'épargne va de pair avec un manque de confiance dans l'avenir et un manque de confiance dans l'État. On constate, c'est pas totalement clair comme lien, mais il y a quand même un lien assez clair entre le degré d'endettement de l'État et le degré d'épargne d'un pays. Donc les pays dans lesquels l'État a le plus de dette publique sont également les pays dans lesquels les citoyens ont le plus d'épargne. Et là, de nouveau, les explications divergent par rapport à ça. Certains disent, ben oui, dans les pays où la dette publique est la plus importante, les citoyens se disent que l'État ne pourra peut-être pas payer les pensions plus tard, qu'il ne va peut-être plus payer les allocations, et donc ils s'en remettent à eux-mêmes. D'autres disent que dans des pays comme la Belgique ou l'Italie, l'État s'est beaucoup endetté parce que c'était des États faibles qui donnaient beaucoup à leurs citoyens, et comme les citoyens reçoivent beaucoup, ils épargnent beaucoup. Alors, dans quel sens va le lien, on ne sait pas très bien. Mais donc, les raisons pour lesquelles les gens épargnent, c'est complexe. Vous avez des gens qui épargnent pour laisser quelque chose à leurs enfants. Vous avez des gens qui épargnent parce qu'ils ont peur. Vous avez des gens qui épargnent parce qu'ils ont envie d'acheter quelque chose plus tard. Mais un lien qui est clairement établi, c'est entre le revenu et l'épargne. Donc les revenus les plus faibles épargnent le moins. Et par rapport à ça, justement, simplement une réflexion, une information, c'est que bon, il y a des personnes qui vivent, par exemple, avec l'allocation du CPS, le revenu d'intégration sociale, donc 900 et quelques euros. Et parfois, des CPS et notamment une organisation qui font des groupes de gestion avec ces personnes qui ne sont pas nécessairement endettées, pour apprendre à épargner à partir de 910 euros par mois. Et donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Parce que moi, ça me pose un problème de fond, parce que je pense que quand on a cette somme d'argent-là pour pouvoir affronter le loyer, l'énergie, etc., même mettre 10 euros de côté, c'est forcément se passer d'autre chose, d'essentiel, pas de superflu. Et l'autre aspect, c'est en quoi est-ce qu'alors ce ne serait pas démontré tout simplement qu'il est possible de laisser les allocations sociales largement en dessous du seuil de pauvreté, si des gens arrivent même à épargner avec des sommes qui sont aussi basses confrontées aux dépenses quotidiennes. Je peux pas vous donner de réponse dans le cadre de l'analyse économique par rapport à ça, sinon que de rappeler que toute catégorie regroupe forcément des gens extrêmement divers. Et donc, des gens qui sont aux revenus d'intégration sociale, ils peuvent avoir des situations extrêmement différentes selon qu'ils ont un logement ou pas, selon ce qu'ils payent pour leur logement. Selon qu'ils sont seuls ou en couple, qu'ils ont des enfants à charge ou pas. C'est tellement différent de l'un à l'autre que moi, je ne vois pas de problème particulier à quand même encourager certains à envisager, en tout cas dans les bons mois, à essayer de mettre un peu d'argent de côté. Parce que s'il y a un bon mois où les choses étaient un peu plus faciles, ils ont peut-être eu une petite rentrée, ils ont peut-être pu vendre quelque chose, ils ont eu un emploi qui... Dans les bons mois, mettre un peu de côté pour les moments... Moi ça ne me choque pas particulièrement. Et franchement, je crois que les minimums en Belgique sont tels que... J'entends pas souvent qu'on les remet en cause comme étant trop généreux et qu'à cause de la capacité des gens à épargner, ça montre qu'il faudrait les diminuer. Non, c'est plus une pression sur l'augmentation des salaires, enfin, etc., qu'on va se dire, ben, voilà, si c'est possible de démontrer qu'en plus, il est possible d'épargner. Voilà, c'est ça la question, ah oui. Hein, dans la stratégie générale de... Pas dans un pays comme la Belgique. Je crois que dans un pays comme la Belgique, on considère presque qu'il est normal pour chacun d'épargner, d'essayer d'épargner quand c'est possible pour les cas où... Donc, vous ne voyez pas de lien immédiat. Non, je ne vois pas de lien immédiat. Voilà. Ludwig. Les impôts sont plus élevés en fonction des revenus, ça on en a parlé tout à l'heure. Mais nous, on trouve qu'ils ne le sont pas assez pour les gros revenus, pour les grosses fortunes, les sociétés, surtout, et tous les cadeaux fiscaux qu'on leur fait, et aussi l'argent qui est fait avec de l'argent, et pas par le travail. Mais en même temps, on sait que l'impôt, c'est important parce qu'on a envie d'avoir de bons services publics, une bonne sécurité sociale. Voilà. Quel est votre avis pour que ce soit plus juste? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'une fiscalité soit plus juste à nos yeux? Parce qu'à nos yeux, elle n'est pas du tout juste, cette fiscalité-là. Et alors, quelle autre solution que la fiscalité peut-on faire pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État? Alors, en revenant à l'analyse économique, hein, l'objectif de la fiscalité... Je crois que c'est au XVIIIe siècle qu'un ministre des Finances du roi de France avait défini la bonne fiscalité comme étant l'art d'arracher les plumes sans faire crier l'oiseau. Donc, il faut arriver à prélever le plus possible... sans faire crier l'oiseau. La définition de l'équité en matière fiscale impose des choix de toute façon, l'équité. Une certaine école qui commence à se répandre maintenant dit la seule bonne équité, c'est le même niveau de taxation pour tout le monde, ce qu'on appelle les flat tax, les taxes planes, et donc 20% pour tout le monde. Et ceux qui gagnent plus paieront 20% de plus. Donc, voilà. Dans nos pays, on a plutôt un impôt progressif, c'est-à-dire que plus vous gagnez, plus votre taux de taxation est élevé, jusqu'à un certain niveau. Et puis, quand on atteint un certain niveau, vous n'êtes plus taxé. Et c'est quoi ce niveau-là? Ah ben c'est que vous gagnez tellement que vous pouvez vous organiser à travers des sociétés écrans. Bon. Donc, si on commençait par combattre tous ces mécanismes, effectivement... Donc, pour répondre à votre question, moi je crois qu'effectivement, un impôt progressif et des tranches de revenus, que les tranches de revenus plus élevées soient plus taxées, ça me semble effectivement juste. Et là, on peut débattre, est-ce qu'il faut aller jusqu'à 50%, jusqu'à 60%, jusqu'à 80%. Beaucoup de pays qui avaient été jusqu'à 80-85% de taxation des tranches élevées sont revenus parce que ça semblait être un tel désincitant que les gens ne voulaient plus de revenus qui dépassaient la tranche, une certaine tranche, ou bien quittaient et allaient ailleurs. Bref. Il semblerait que 50%, c'est un niveau adéquat pour les tranches de revenus élevés. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à 60% comme on a été en Belgique? Je crois qu'on a été jusqu'à 65% à un moment donné. Depuis 99, depuis la réforme 99-2000, on est à 50 comme tranche maximale, comme impôt maximal sur les tranches élevées. Qui est en fait plutôt 60, puisqu'à ça, il faut ajouter les impôts communaux et un certain nombre d'impôts de solidarité. Donc, on est à peu près à 60% sur les tranches élevées. Donc, on peut débattre de ça. Je crois que ce n'est pas ça la priorité. Je crois que la priorité, effectivement, est plutôt dans les niches, ce qu'on appelle les niches fiscales, les différentes manières qu'il y a d'éviter, d'éluder. Alors... en Belgique, on a une manière d'éluder qui est la mise en société. Donc beaucoup de gens prestent. Donc quand ils atteignent un certain niveau de revenu, il peut être rentable de s'installer en société. Ils constituent une petite société et c'est cette société qui devient l'employé. Et donc cette société touche des revenus et n'est taxée que sur son revenu net, mais on met dans la société quantité de frais. Bon, la voiture de société, il ne faut pas être en société pour ça. Mais alors on met des frais comme la maison, le chauffage, parce qu'on dit oui, mais on preste au départ de la maison, et donc on met quantité de frais un peu factices en déduction. Donc ça, c'est déjà une espèce de mécanisme. Et en Belgique aussi, ce qu'on appelle les faux indépendants, c'est-à-dire que pour échapper à la cotisation de sécurité sociale progressive, on prend le statut d'indépendant. Bon, il y a quelques manières pour le fisc de lutter contre ce statut de faux indépendant. Mais donc sur le revenu du travail est relativement bien taxé en Belgique. Relativement. Il y a des exceptions que je viens de mentionner. Le capital est taxé d'une façon très, très variée. Non, mais il y a, c'est plutôt avarié que varié. Oui, avarié. On peut dire avarié. C'est-à-dire que, par exemple, l'immobilier, il y a des taxes particulièrement élevées sur la transmission de l'immobilier. Quand vous achetez de l'immobilier, c'est très taxé en Belgique. Quand vous léguez de l'immobilier, c'est très taxé. Quand vous avez des revenus immobiliers, si ce sont des revenus immobiliers qui proviennent d'une activité commerciale, c'est assez bien taxé. Si c'est des revenus immobiliers qui proviennent d'une location à un particulier, c'est beaucoup moins taxé, ou très peu taxé. Ça, certains disent, oui, mais si on veut taxer les revenus, le revenu réel, alors il faut admettre de déduire les frais. Ce qui est vrai aussi, il y a parfois des frais importants et ça peut devenir assez, assez compliqué. Mais donc l'immobilier logement est une espèce de faveur en Belgique. Sur le capital, sinon, maintenant, donc une grande faveur en Belgique, c'est que les plus-values ne sont pas taxées. Les dividendes, donc le revenu qu'on touche du capital est taxé à 30% forfaitairement. 30%, c'est moins que le travail. Est-ce que c'est assez, pas assez? C'est plutôt dans une norme internationale. Et certains disent, oui, mais les dividendes sont payés par des sociétés qui ont déjà été taxées à 30% ou à 35%. Quand elles ont été taxées, ça va. Je disais, moi, je n'ai pas une caméra parce que votre nom verbal est éloquent aussi. Voilà. Donc, il y a des entreprises qui ne payent pas d'impôts et donc les 30% de dividendes sont à mettre dans la catégorie. La catégorie, ce n'est pas beaucoup. Si l'entreprise a été taxée, ça fait 30%, et puis sur les 70% qui restent, il y a encore 30%. Bon, nouveau taxé à 50%, ça va déjà mieux. Mais il demeure en Belgique des mécanismes qui permettent de transformer du revenu du capital en plus-value du capital. Et ça, c'est pas taxé. Ces mécanismes, c'est entre autres des SICAV de capitalisation, donc vous ne touchez pas vos dividendes, vous les capitalisez. Et bon, donc ça, c'est un autre mécanisme. Alors, on en arrive... la taxation du revenu du capital est très variée, mais pas très satisfaisante en Belgique. Donc, il faudrait en tout cas essayer de l'améliorer. Taxer le capital lui-même... C'est une vaste question. Il y a quelques pays qui pratiquent la taxation du capital. Il est assez difficile de définir ce qu'on va taxer et à quel niveau on va le taxer. Pour moi, le plus juste serait de prévoir que le capital doit faire l'objet d'une certaine taxation par an, mais que ceux qui ont supporté une taxation du revenu du capital puissent utiliser cette taxation sur le revenu du capital comme paiement partiel ou total de cet impôt sur le capital. Et donc l'impôt sur le capital, pour moi, devrait surtout toucher les contribuables qui aujourd'hui ne payent aucun impôt sur le revenu de leur capital. Alors, dernière grande catégorie, c'est les entreprises. Et là, effectivement, on a une taxation théorique aujourd'hui de 32 ou 30%. Beaucoup de petites entreprises payent ce niveau. Beaucoup de petites entreprises payent ce niveau, mais beaucoup de grandes entreprises ne le payent pas, ou payent très peu, ou presque rien, entre autres en profitant de mécanismes que l'État belge a mis à leur service. Dans le temps, c'était les centres de coordination. Quand les centres de coordination ont été déclarés illégaux par la Commission européenne, on les a remplacés par les intérêts notionnels qui arrivaient à peu près à la même chose, c'est-à-dire qu'on pouvait, supprimer la base fiscale en jouant sur un revenu qui était présenté comme ayant déjà été taxé alors qu'il n'avait pas été taxé. C'était le principe du centre de coordination et c'est le principe également des intérêts notionnels. Enfin, pas des intérêts notionnels, mais c'est le principe de l'utilisation abusive qui a été faite massivement des intérêts notionnels. Donc on a permis d'utiliser des petites constructions très simples pour que des entreprises puissent contrebalancer les bénéfices qu'elles faisaient avec de soi-disant intérêts, l'intérêt notionnel, qu'elles auraient dû payer sur le capital qu'elles avaient consacré à leurs entreprises. Et donc ça permettait d'avoir des entreprises qui, du fait de cette déduction d'intérêt qu'ils auraient peut-être dû payer, pouvaient se présenter comme n'ayant plus de base taxable. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a de la triche, quoi. C'est ça que vous voulez dire. C'est une magouille. Et donc les intérêts notionnels, c'est encore un mécanisme, c'est ce qui faisait un peu ça, c'est ce qui a permis sa durée, c'est que c'est un mécanisme qui intellectuellement n'est pas mauvais, mais il y avait des abus très importants d'intérêts notionnels avec ces petits mécanismes très simples. Abus qui étaient connus de tout le monde, mais enfin de tous ceux qui devaient les connaître, mais sans obligation de contrepartie en emploi, par exemple. Absolument, absolument. Le système a duré assez longtemps parce que on pouvait faire des études qui présentaient des soi-disant investissements qui n'en étaient pas. Donc l'État belge lui-même a mis en place un certain nombre de mécanismes qui facilitaient l'escamotage de la base taxable. Mais il existe quantité de systèmes à l'étranger aussi. Quand on interroge beaucoup de responsables du fisc de pays voisins, ils disent « Oui, mais on a mis en place ce système, c'était pour contrer le système belge des centres de coordination. » Et les Belges disent « Oui, mais nous, on a mis en place ce système. C'était pour contrer le système hollandais du holding, machin. » Bon, alors où ça commence, où ça finit, on ne sait pas. Mais la concurrence fiscale entre États européens est bien réelle. Est-ce que ça devrait quand même être une priorité au plan européen, ça? Alors, si on veut arriver Tout à fait. À sortir de l'impasse dans laquelle on est quand même globalement. Ça fait partie des priorités. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a quelques petits États qui en bénéficient tellement qu'ils vont toujours tout bloquer. Ah oui. Donc vous pensez que ce sera compliqué de dépasser l'obstacle? Ce sera très compliqué. D'accord. Parce que... Et il y a des concurrences fiscales en tout genre. Hein, en Belgique, vous avez la concurrence sur les accises. Au Luxembourg, l'essence est moins chère. Vous croyez qu'ils ont des puits de pétrole au Luxembourg? Ben non, non, non. Mais les accises sont beaucoup plus basses. Mais les accises leur rapportent beaucoup plus qu'en Belgique, en Allemagne et en Hollande. Alors, comment ça se fait? Ben parce que tous les Belges, les Allemands, les Hollandais qui sont dans 50 km à la ronde ou tous ceux qui passent par là font leur plein à Luxembourg. Et les Luxembourgeois, ils disent « Ah oui, mais nous, on gère tellement bien nos finances publiques qu'on n'a pas besoin d'accises élevées sur l'essence. Et donc, vous ne pouvez quand même pas nous obliger à augmenter nos accises. » Donc, voilà. Donc, c'est cette concurrence fiscale entre les États et... C'est pas facile à contrer. C'est la dernière, là? Henri, et voilà. Alors, que faites-vous des personnes qui ne savent plus consommer, qui consomment de moins en moins? Pensez-vous qu'elles vont se comporter rationnellement, qu'elles ne vont pas pencher vers la violence? Le prix des biens les moins nécessaires baisse et ceux des biens les plus nécessaires montent. Donc les besoins vitaux deviennent de plus en plus impossibles à couvrir. N'avez-vous pas peur que les gens finissent par exploser, se révolter? Oui, oui, oui. Enfin, moi j'ai... De nouveau, c'est un problème social, politique. L'économie, l'analyse économique n'a pas beaucoup de réponses à ça. Hein. Mais je dirais que ce que vous décrivez, moi je crois qu'on observe les réactions. Il y a des gradations très très variées. Une partie de ce que vous décrivez conduit des gens à la petite délinquance ou à la grande délinquance. À l'économie de subsistance, quoi, tout simplement. À l'économie de subsistance, il y a des... Et bon, alors, des gens qui sont les plus fragiles, effectivement, il y en a qui entrent dans des spirales dont il est très difficile de sortir. Les communautés, et là l'économique est pas coupable, mais quand même en partie co-responsable. L'importance des communautés a été fortement escamotée. Et je crois que les communautés sont une des réponses à votre interrogation. Alors, les communautés, ça peut être des choses très, très variées. Ça peut être des quartiers, des organisations de quartiers. Ça peut être des clubs de quelque chose. Ça peut être... des associations diverses et variées. Et bon, la structure en communauté est probablement la plus solide, la plus résiliente, la plus forte. Beaucoup de communautés ont été combattues implicitement ou explicitement par les États centraux qui se formaient au XVIIIe, au XIXe siècle ou au XXe siècle. Et beaucoup de communautés, la disparition de certaines communautés a laissé des vides considérables. Alors maintenant, est-ce qu'il faut œuvrer à une reconstitution de certaines communautés? J'ai tendance à le penser, mais... Moi aussi. Oui, mais... Donc, il faut pouvoir faire ça en évitant... Alors, attention, parce que... Enfin, attention. Mais il y a des communautés, par exemple, des communautés religieuses ou quasi-religieuses qui sont aussi des communautés et qui jouent parfois sur la précarité et qui peuvent parfois avoir de bonnes intentions, mais ils peuvent aussi avoir des intentions plus dangereuses. Donc, moi, je crois aussi à l'importance des communautés, de retrouver du sens. Et c'est quelque chose que les jeunes nous rendent aujourd'hui très sensibles. Hein. Les jeunes demandent à avoir du sens, à trouver du sens à ce qu'on leur propose. Et je crois qu'il y a des communautés qui peuvent justement apporter du sens de différentes façons, que ce soit des objectifs sportifs ou environnementaux ou sociaux, mais le fait de s'organiser ensemble. J'ai tendance à... Je sors de mon activité plus économique, mais j'ai un peu essayé d'écrire sur l'organisation collective. Donc, j'ai tendance à croire que l'organisation collective est ce qui distingue le plus, d'une part, l'Homo sapiens par rapport à tous ses prédécesseurs, et d'autre part, nos collectivités entre elles, ce qui distingue le plus les pays entre eux et au sein des pays, des régions, ce qui est le plus distinct, c'est la manière d'agir ensemble. La manière de pouvoir grouper des énergies pour agir ensemble. C'est là que je vous dis que je vois une grosse responsabilité de l'analyse économique, parce qu'une certaine analyse économique a tendance à dire que les gens, dans l'idéal du système économique, les gens n'agissent individuellement ou ensemble que dans un but de maximisation d'utilité, et quand on gratte un peu, c'est maximisation financière. Et donc là, je crois qu'il y a un vrai problème. Si les responsables politiques croient trop à cette analyse économique, et donc je crois qu'il serait bon, il est bon de trouver d'autres manières d'agir ensemble, et qui peuvent être des manières qui apportent beaucoup plus de satisfaction tant aux individus qu'aux collectivités. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc... Non, mais c'est parce qu'elle est un peu... Enfin bon... Est-ce que la consommation des pauvres a de l'importance pour l'économie, ou est-ce que vous pensez qu'elle n'a pas d'importance, donc que les pauvres ne comptent pas dans l'économie d'un pays? En fait, qu'on soit une variable d'ajustement, en fait. Est-ce qu'on n'est pas simplement une variable d'ajustement? Est-ce que l'économie ne considère pas les pauvres comme une variable d'ajustement? Oui, c'est un des travers de l'économie, effectivement, c'est qu'elle a tendance à tout ramener à des quantités interchangeables. Et donc à mesurer, pour m'inscrire dans votre question, à mesurer l'importance des pauvres à ce qu'ils consomment. Et comme ils consomment beaucoup moins que d'autres, il serait moins important. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Pardon ? Le pauvre fabrique de l'emploi aussi. Vous parliez à plusieurs reprises de l'assistance publique du CPS&CO. Plus il y a de pauvres, plus il y a d'assistance sociale. Plusieurs travailleurs. Oui, oui, mais ça, ça pose un problème de financement de ces assistants sociaux et de... Oui, mais enfin, je crois que la question ici est plus une question de, du pauvre en tant que catégorie de consommateur. De consommateur. Alors, j'essaye de répondre objectivement à votre question. Hein. Je crois que pour l'économie aujourd'hui, la catégorie des pauvres est un peu comme la catégorie des jeunes. C'est-à-dire que... On espère des riches en devenir. Voilà. Dans beaucoup d'analyses économiques, on a tendance à appliquer un facteur démultiplicateur à la quantité de consommation. Okay. Et donc, dans cette mesure-là, c'est une catégorie qui peut avoir dans l'analyse économique objective pure et dure plus d'importance qu'elle ne l'a en chiffre absolu. Mais il est évident que les chiffres absolus sont, dans beaucoup de pays, et particulièrement en Belgique, plutôt faibles. Donc même s'il y a un facteur des multiplicateurs... Et ce sont les chiffres qui déterminent les politiques, pas les... Oui, sauf que, et là, ça corrige un peu, pour les politiques, n'importe quel individu est un électeur. D'accord. Ouais, c'est... Donc, d'accord. Alors, j'ai déjà réfléchi au système de vote multiple comme étant une des solutions. Alors évidemment, le vote multiple, on peut tout de suite penser au suffrage censitaire du 19e siècle. Hein. Et alors on dit, attention, tu es sur un terrain dangereux. Oui, mais non, on peut penser à des votes multiples divers et variés. Moi, je pensais au vote multiple par rapport à l'environnement, en disant, si on donnait 2 ou 3 voix ou 4 voix aux jeunes, peut-être qu'on aurait une politique environnementale plus... Jusqu'au moment où j'ai vu certains sondages, où j'ai vu que ceux qui sont le plus accro à la voiture de société, c'est les jeunes de moins de 25 ans. Alors je me dis, mon Dieu, on n'est pas sorti de l'auberge. Quand t'as 20 ans, c'est compliqué de financer l'achat d'une voiture, donc avoir une voiture de société, ça peut te... Ouais. Oui, mais enfin, là, c'est aussi parce que les gens réagissent maintenant au premier degré. Vu que cette voiture de société, elle va de pair avec un habitat extrêmement dispersé. Si on restait plus à un habitat groupé, avec des transports en commun, ben, on aurait moins besoin de voiture. Et donc, pour moi, le problème de mobilité est très largement lié, beaucoup plus largement... qu'on ne l'intègre aujourd'hui, beaucoup plus largement lié à un problème d'aménagement du territoire. Et enfin, bon, on a alors effectivement la conclusion que les jeunes, ils cherchent un logement, ils voient que c'est beaucoup moins cher à l'extérieur de la ville qu'en ville, mais évidemment pour ça il faut une voiture, ils veulent une voiture de société, et donc ils veulent aller habiter dans la verdure et travailler en ville, et puis se rendre compte qu'ils passent des heures par jour dans les embouteillages, et ils ne sont quand même pas contents. Mais donc, on doit un peu réfléchir à ce problème d'aménagement du territoire, qui rejoint alors les problèmes de communauté, hein, parce qu'en ville, on peut résoudre des problèmes en ville autrement que des problèmes dans un habitat plus dispersé. Et j'aurais tendance à penser que certains problèmes, entre autres de pauvreté et d'approche communautaire des problèmes de pauvreté, ça peut plus facilement se traiter en ville, dans des villes raisonnablement denses, que dans un habitat très dispersé. De mettre un resto du cœur ici à Namur que de le mettre dans un village. Hein. Et voilà, c'est un peu ça. Ouais. Pourquoi comme ça? Pour les restes, quoi. Parce qu'on doit être rentable. On doit être rentable, malheureusement. Si on n'est pas rentable, on n'est pas productif. Si on n'est pas productif, on ne sert à rien. Donc, il faut qu'on soit rentable. Mais même indépendamment de ça, hein, oui. Il y a la dispersion du territoire, le fait de devoir se déplacer, les récoltes sont plus compliquées, enfin, etc. Et puis la densité de population fait que la diversité est moins importante, hein, parce qu'on est moins nombreux à avoir besoin, etc. Tandis que la forte densité, on est plus nombreux à avoir les mêmes besoins sur un plus petit territoire, etc. Je ne prêche pas pour la ville, mais c'est en étant une rurale, et depuis longtemps que je sais que c'est une évidence, tout ça. Après, c'est comment on solutionne pour l'ensemble du territoire, en prenant en compte tout ça, ça c'est sûr. Je voulais peut-être juste vous poser une question, parce que c'est une réflexion qui est venue, je crois, à travers les autres économistes, mais fortuitement, et puis c'est en entendant aussi comment vous abordez les choses. C'est quoi votre avis par rapport au charity business Bill Gates qui choisit d'investir son argent dans ce qu'il a envie, dans etc., etc., parce que c'est quand même quelque chose qui est en plein développement. Alors on parle de Bill Gates pour les États-Unis, mais nous on voit bien que dans nos communautés, puisque vous parlez de communautés, c'est en train de contaminer, d'impacter, et finalement ce sont des acteurs privés qui vont progressivement décider de ce que doit être la forme de... C'est quoi votre avis par rapport à ça? Pour moi, je crois qu'il ne faut pas exclure totalement le charity business, les particuliers qui, les particuliers ou les fondations privées qui veulent aider aux besoins, à ceux qui ont des besoins non satisfaits. Je ne crois pas qu'il faut totalement le refuser ou le décourager, mais je crois qu'il est important que les pouvoirs publics continuent à définir les objectifs et qu'il est très important d'éviter le détournement. Et que ce que j'appelle le détournement, on voit ça dans le domaine de l'aide aux personnes et dans le domaine de la culture. On voit parfois l'État, c'est-à-dire nous tous, consacrer des moyens publics considérables à des infrastructures, à des actions, et puis des particuliers mettre un tout petit peu d'argent, mais se présenter comme les grands héros qui ont tout fait. Et ça crée une image totalement pernicieuse d'une quasi-divination de ces particuliers qui sont présentés comme la seule solution. Bon, l'exemple de la culture, le premier qui me vient à l'esprit, on voit, par exemple, le musée Magritte, alors on en revient à l'énergie, mais le musée Magritte, l'État belge a mis des moyens de dizaines de millions d'euros en place pour créer ce musée, et puis Engie Electrabel a donné 4 millions, et encore, c'était souvent pas de l'argent, mais ça a été des soi-disant prestations d'une partie de leur personnel, d'une partie de leur bureau d'études. Et quand vous entrez dans le musée Magritte, vous voyez que c'est Electrabel qui a tout payé. Et des exemples comme ça, il y en a énormément. Vous savez ça, dans la médecine, où les pouvoirs publics, la sécurité sociale, enfin nos moyens collectifs, consacrent énormément d'argent pour avoir, on a une médecine de qualité en Belgique. Alors vous avez une toute petite partie de la recherche qui est financée par des privés, mais alors celle-là est mise en avant, donner plus d'argent, et Télévis, oui, c'est très bien Télévis, hein, c'est formidable. Enfin, c'est pas ça qui finance la recherche médicale en Belgique, hein. Heureusement, donc il y a une grande... Alors, mais Télévis est un très bel exemple, c'est quelque chose pour moi de très très positif, parce que ça encourage au sens très très large la population, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de détournement par rapport à Télévis. Mais l'incendie de Notre-Dame et François Pinault, qui obtient à travers des démarches d'agences spécialisées que dans presque tous les médias du monde entier, on annonce l'incendie de Notre-Dame François Pinault va donner 100 millions d'euros pour la restaurer. Ça a été vraiment organisé. Je trouve ça d'une vulgarité. Heureusement, ça lui est retombé, ça leur est un peu retombé sur le crâne, parce qu'on leur a dit, oui, mais si vous avez tellement d'argent, pourquoi vous en donnez pas pour ça, ça et ça. Mais, et Macron, tout de suite, a embrayé là-dedans en créant un fonds, en légitimant le fait que c'était l'argent du capital, le capitaliste qui allait sauver le patrimoine, alors que l'État français n'a pas les moyens d'entretenir convenablement son patrimoine, entre autres, parce que tous ces gens, souvent, ne payent pas leurs impôts, ni leurs entreprises ne payent leurs impôts. Donc, de nouveau, je crois très important que pour ce qui concerne l'action d'intérêt général, le politique reste en charge et explique clairement que c'est l'action publique qui finance les infrastructures, qui finance l'essentiel des activités. Si certaines activités complémentaires peuvent être financées par le privé, je trouve que c'est pas une mauvaise, ça peut être une très bonne chose. Mais les objectifs doivent toujours être fixés. Et on a ça à l'université aussi. Il y a maintenant des chaires privées. Il est extrêmement important que dans les chaires privées, bon, des privés qui disent, nous, on attache de l'importance à tel ou tel type d'activité académique. Ils peuvent décider de consacrer de l'argent pour qu'une chaire dans ce domaine-là soit mieux financée, mais il est très important que ce soit les autorités académiques de l'université qui continuent à définir qui doit donner les cours, ce que les cours doivent enseigner. Donc, un donateur ne devrait pas pouvoir intervenir dans la gestion ni de la recherche, ni de la de l'assistance aux personnes. Et donc la frontière est pas toujours. Dans le cas par exemple de la fondation Bill Gates, c'est une bonne affaire ou enfin c'est bon, c'est mauvais. Il vient de l'expliquer, non ? Non, mais dans le cas spécifique de la fondation Bill Gates, alors. Je vous dirais que je trouve que une grande partie de l'action de la Fondation Bill Gates s'inscrit quand même dans une certaine mouvance de l'industrie pharmaceutique. Et par exemple, ils mettent un accent très important sur la lutte contre la malaria, mais la primauté est donnée à la lutte contre la malaria par des médicaments des produits de l'industrie pharmaceutique, alors qu'il y a un certain nombre de mesures plus douces qui font appel, entre autres, à des méthodes ancestrales traditionnelles qui ne sont pas monétisées et qu'ils ont tendance à plutôt soit ignorer, soit même combattre. Alors, dans le Financial Times, qui est donc clairement un journal d'inspiration libérale et d'économie traditionnelle anglo-saxonne, il y a une lettre d'un Belge qui est paru il y a à peu près un mois, critiquant très très fortement l'action de la fondation Bill Gates, entre autres en les accusant de beaucoup trop financer les pouvoirs publics dans tous les pays où ils interviennent. Bon, c'est des pays de malaria et de maladies tropicales, donc vous voyez quel genre de pays. Et cette lettre disait ils interviennent beaucoup trop en renforçant des systèmes en place plutôt qu'en s'intéressant aux acteurs de terrain et en venant aider les acteurs de terrain qui parfois sont en opposition avec les pouvoirs publics dans ces pays. Voilà. Et alors cette lettre, qui était vraiment très incisive et très critique de la fondation Bill Gates nommément, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des lettres, entre autres des réactions officielles. Il n'y a eu aucune réaction de la fondation Bill Gates. Il y a eu deux, trois lettres par après qui allaient plutôt dans le sens d'encourager la lettre qui avait été publiée. Alors, moi, personnellement, je ne connais pas suffisamment l'action de la Fondation Goethe. Beaucoup de fondations font, je trouve, du bon travail et aident correctement des projets et des initiatives. Je vous dis, moi, ce qui me dérange, c'est quand ils veulent trop faire parler d'eux, genre François Pinault, Messant Millon, quand ils veulent trop faire parler d'eux et quand ils veulent orienter les choix politiques. Donc, voilà. Ben, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a deux heures et demie de blabla, quoi. Non, mais quand je dis de blabla, de pensée profonde et intelligente. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, merci. Vous avez envie de rajouter quelque chose spontanément sur tout ça, sur, je sais pas. J'ai une petite question. Il a souvent... Oui, bien en face de vous. Tout à l'heure, vous parliez de taxer le capital. Mais en fait, le capital, c'est comme un réservoir. Hein, donc, chaque fois qu'on en prend, ça diminue. À un certain temps, il n'y aura plus de capital. Oui, donc s'il n'est pas fructifié, s'il n'est pas investi, je ne vois pas la raison pourquoi il faut le taxer. Non, mais... Je suis assez d'accord avec vous. Et je vous dis, la taxation du capital, dire pour ceux qui ont plus qu'un certain montant, mais qui ont X... Chaque année, on va leur prendre un certain pourcentage de X. Fondamentalement, j'espère l'avoir dit suffisamment clairement, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Fondamentalement, d'une part, c'est très difficile à faire parce que le capital, il bouge beaucoup, donc il est facile de le déplacer. Donc, pour moi... normalement, le capital, il produit du revenu. Donc, il est très rare que du capital ne produise pas de revenu. Mais je trouve que là, ce revenu, il est légitime qu'il soit taxé, puisqu'on taxe le travail, puisqu'on taxe les revenus divers. Il est logique qu'on taxe également les revenus du capital. Et aujourd'hui, il y a trop... de manière qui permette d'échapper à ça. Et donc, c'est pour ça que je crois que la seule approche juste, les deux seules approches justes sont soit de dire on se concentre vraiment sur une meilleure mesure du revenu du capital et on la taxe à 30%, par exemple, ou 40% ou 50%, ça, on peut en débattre, mais... il faut une taxation importante. Soit on dit bah, ça va être tellement difficile de mesurer le revenu qu'on met une taxation du capital par rapport au montant, mais ceux qui ont déjà payé une taxe sur le revenu du capital peuvent utiliser cette taxe-là qu'ils ont payée comme étant un moyen de payer l'impôt sur le capital. Et donc, ils ne paieraient pas deux fois. C'est la même chose que, par exemple, moi, je prends une pension complémentaire, j'ai un capital, et ce capital ramène aussi, donc il apporte aussi une certaine dividende. Donc, je trouve logique qu'on me taxe sur le dividende, mais pas sur moi, le capital. Exactement, il a dit. Mais donc, si vous voulez, pour prendre l'exemple, quelqu'un qui a un capital de 100 000 euros, qui est investi en actions, ça va rapporter, bon an, mal an, un brut de 3 000 euros. Eh bien, que ces 3 000 euros soient taxés, par exemple, à 30%, comme c'est aujourd'hui le précompte, hein, et c'est dans des entreprises qui ont déjà payé de l'impôt, supposons. Eh bien, donc, il y a 1 000 euros d'impôt sur le revenu du capital. Donc si on met... Mais il y a des gens qui peuvent s'organiser pour ne pas payer ces 30%, parce qu'ils achètent des actions d'une SICAV qui soi-disant capitalise, ne distribue pas de dividendes. Eh bien, on va dire, mais vous avez 100 000 euros, on vous taxe de 1% par an. Si ce capital a produit 3 000 euros de revenus qui ont été taxés à 1 000 euros, eh bien, vous pouvez dire, moi, ces 1 000 euros par an, je les ai déjà payés. Donc, oui, ça, je trouve que c'est une approche qui est un peu l'approche utilisée aux Pays-Bas. Et je trouve que c'est une assez bonne approche de la taxation du capital. Sinon, effectivement, taxer le capital pour le capital, comme si il y a quelque chose d'un peu agressif aussi, a dit, ben, le capital, c'est pas bon, donc si vous avez du capital, on vous pénalise et on vous... Donc, je crois qu'au moins commencer par une taxation correcte du revenu du capital, ce serait déjà un très gros progrès et ça pourrait rapporter plusieurs milliards par an en Belgique. On va leur demander de le faire, hein, voilà. Avec assistance. On ne va pas se priver. On parle de rapport. Élever les gens au-dessus du seuil de cette pauvreté, on parle toujours du coût que ça coûterait à l'État, mais le rapport que ça aurait. C'est-à-dire, nous, notre argent, on ne va pas aller le dépenser en Espagne, on ne va pas aller prendre des vacances, on va le réinvestir ici en Belgique, on va refaire de l'emploi, on va améliorer notre logement, on va améliorer notre santé. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, ben, c'est le retour sur investissement pour les gens, c'est pas plus fort économiquement que de les appauvrir et de continuer à les appauvrir comme on le fait pour le moment. Oui, mais dans votre question, je ne crois pas qu'il y ait une volonté d'appauvrir les gens. Enfin, dans votre question, il y a beaucoup de... Elle est très chargée. Elle est très chargée. Donc... je crois qu'il y a une... Honnêtement, moi, les politiques que je connais, ils sont sincères quand ils disent qu'ils veulent combattre la pauvreté, réduire la pauvreté, dans le sens réduire la pauvreté. Hein, non. Donc, et comme vous dites, il y a suffisamment d'arguments positifs pour augmenter les revenus des plus pauvres, parce que justement, ils consomment et donc ils créent de l'activité économique et... tout à fait. Donc, ce que doit trouver l'homme politique, c'est le bon équilibre entre les contraintes budgétaires, parce qu'il peut dépenser que l'argent qu'il peut. Il y a 700 millions hein, pour le taux de cohabitants, que ça coûterait plus ou moins. Donc, pour remonter les revenus au seuil de pauvreté, 1,7 milliard, oui. Remonter les revenus au seuil de pauvreté et supprimer le statut cohabitant sans s'occuper de la pension, oui. Ça ferait 2,8 milliards, nous dit le bureau du plan, hein, en gros. Après, si on ajoute évidemment de corriger la pension, parce que supprimer le statut cohabitant, là on arrive à 10 milliards. Mais c'est vrai que derrière la question de Ludwig, il y a le fait que nous, quand on est allé trouver des partis politiques, on leur disait, mais quand même, le coup de rein d'augmenter tous les revenus au seuil de pauvreté, donc autour de 1200 euros pour une personne seule, hein, 1,8 milliard, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup dans un budget fédéral global en termes de choix politiques et d'options. Et de signes d'indicateurs dans la société, de dire on accorde de l'attention à... Après, on peut retomber sur toutes les questions précédentes. Hein. C'est vrai, mais n'oubliez pas que cela pose quand même aussi le problème qu'on a décrit tout à l'heure comme étant celui du piège à, du piège à l'emploi, parce que si vous augmentez les revenus d'insertion ou les revenus... il faut que le travail reste attrayant financièrement, et donc d'où tout l'intérêt de réfléchir à faire une partie, en tout cas, de ce que vous proposez comme plutôt un revenu universel. Oui, ça c'est le débat. Oui, mais, oui, qui coûte cher aussi et qui va peut-être donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas besoin. Et donc, il faut peut-être un revenu universel tempéré. C'est-à-dire qu'il n'aille pas à des gens, enfin, qui soit accordé jusqu'à un certain niveau de revenus. Déjà, il serait déjà plus universel. Mais qu'en tout cas, pour des tranches de revenus faibles, il y ait une augmentation qui ne soit pas uniquement sur des revenus, sur un revenu d'insertion qu'on perd quand on a un emploi. Donc, il faut pouvoir trouver un système qui augmente sans décourager la mise au travail. Et vous disiez tout à l'heure augmenter le salaire horaire du travail et ces choses-là tiennent ensemble. Moi, juste peut-être vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, et peut-être un peu piège, c'est quand on rencontre les partis politiques, encore le débat qu'on a fait avec le réseau, donc à la question posée aux partis, est-ce que vous vous engagez à augmenter les revenus au seuil de pauvreté, tous les revenus au seuil de pauvreté, donc le 1,8 milliard, et à supprimer le statut cohabitant, ben, parmi les 6 partis traditionnels, il y en a 5 qui nous disent oui aux deux questions. Et il y en a un qui nous dit ben, on est déjà en train de le faire. Pas le statut cohabitant, mais augmenter les revenus, on est déjà en train de le faire. C'est le MR qui dit on est déjà en train de le faire. On le fait à petits pas, mais on est en train de le faire. Et quand ils nous répondent oui comme ça, est-ce que c'est la réponse facile préélectorale ou est-ce que vous pensez que c'est possible de le faire, de votre point de vue et du regard que vous avez? Je suis sûr qu'ils sont. Je ne prétends pas qu'ils ne souhaitent pas ne pas le faire. Hein. Je dis juste est-ce que c'est une promesse parce que ben, avant il faut promettre. Mais est-ce que raisonnablement c'est possible de le faire? Alors, je crois que raisonnablement c'est possible de le faire, surtout si le problème, ces problèmes de pièges à l'emploi et autres sont adressés. Pour moi, il faut lier les deux. On en revient au problème des incitants. Hein. Il faut pouvoir le faire d'une façon qui ne décourage pas les intéressés à entrer dans un circuit bénéfique à la société. Et un circuit bénéfique à la société, ce n'est pas nécessairement dans l'économie productive, mais qui les encourage à être actifs et à s'insérer dans l'activité. Je crois que ça facilitera la mise en œuvre de ce qui semble être une volonté déjà de 5 parties. Je vois qu'il est 4 heures. Oui, dans 5 minutes, dans 5. On stop ou bien encore une dernière ? Peut-être encore. Incroyable, vous êtes un vrai sportif, hein ? Oui. Vous nous parlez d'emploi, de production, d'être actif dans la société, je l'entends bien, mais on est déjà dans un monde de surconsommation et de surproduction. Alors pourquoi est-ce que nous, on doit encore produire plus ? Est-ce que pourquoi, à un moment donné, on doit s'arrêter ? On ne devrait pas s'arrêter de produire. Je vais sembler horriblement politicien. Merci de la question. Merci de la question. Attention, quand je parlais à dessein, je choisissais très fort ce que je disais. Nous avons des besoins considérables qui ne sont pas satisfaits dans notre société, que ce soit en termes de soins à l'environnement, de soins aux personnes âgées, de soins à tout ce qui est collectif. Il y a beaucoup d'équipements collectifs. Regardez ces poubelles qui traînent là-bas. Notre collectif n'est pas bien entretenu. Et donc, il y a énormément de choses à faire qui peuvent être, et ça va du soin aux personnes, les personnes âgées, ça va devenir un énorme... Oui, la petite enfant qui a sa mère, alors vous le comptez comme étant un parent qui s'occupe de sa mère, vous le comptez comme un travailleur. Or, pour le moment, à l'heure actuelle, il n'est pas considéré comme travailleur. Tout à fait. Donc ça, ce sont des questions de définition, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Mais je crois que aller d'emblée, de votre part, dans le sens d'aider à cette... définition différente du service à la collectivité, du service à la communauté, ça pourrait assez bien aider. Nous avons des besoins, nous sommes une société riche, effectivement, où on produit trop, effectivement, où beaucoup de gens consomment trop, effectivement, mais où il y a d'énormes besoins qui ne sont pas satisfaits. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on est gêné d'être dans une société comme la nôtre, quand on voit comment des personnes sont traitées, comment des infrastructures sont traitées, comment la nature est traitée. Donc, un peu travailler sur tout ce qu'il y a besoin de faire et qu'on pourrait faire, mais qu'aujourd'hui on n'arrive pas à faire quand on doit faire ça par une économie monétisée, je crois que là, on peut énormément s'aider tous ensemble. Est-ce qu'on a le temps de vous poser une dernière question? Il ne faut pas abuser non plus. Mais on va peut-être Je vais interroger Waze, mais peut-être tout dernier. Mais vous savez dire non. Vous savez dire non. 50 minutes, mais je dois être là à 5 heures. Ou bien on peut la prendre au micro. Je dois de la gratuité des transports en commun. La gratuité. Oui, alors. La gratuité des transports en commun, je crois que c'est une... Pour certaines catégories de personnes, je crois que c'est important. Mais il faut éviter de trop encourager le déplacement. On est dans une société où le transport est subsidié de 36 façons différentes. Et donc, je crois qu'il y a des gens qui bougent beaucoup trop pour leur propre bien. Donc, des billets d'avion à 20 ou à 10 euros pour aller... pour aller à la Côte d'Azur, ça encourage les gens à faire des trucs. Donc, je ne crois pas que la gratuité est toujours une solution à tout, mais je crois que dans certains cas, ça peut être utile. Mais pour la nature, pour l'environnement, on devrait essayer de moins se déplacer. Est-ce que les économistes en sont conscients au niveau du gouvernement? Pas nécessairement.